rehearsal now? Oh yeah, we are ready now. This way. Seulement de paysages et de sons, mais aussi d'esprit. Thank you. qui trie chassant les gens qu'on vue. On sait les gens bâtis chez tant de gens, ça m'y tue. On sait tout ce que l'on voit, on voit sous les débats. On voit comme les lois protègent les scélérats. Pas le choix, pas le choix de vivre avec ça. Car tu vois, sordide, mortel. Yeah. bonsoir, chers auditeurs de Radio Arc-en-Ciel, l'émission Mavricat, et c'est tous les vendredis soirs à partir de 19h. On est ensemble pour 3h, et on a déjà commencé, hein, on s'est mis en place, parce que, comme d'habitude, on a des invités ici dans les studios de Radio Arc-en-Ciel, et on a eu l'occasion, justement, d'écouter plusieurs artistes. Alors, on a commencé cette émission avec le groupe Custom, un groupe qui n'est pas encore venu dans l'émission Mavricat, mais il va falloir qu'ils viennent, puisque ils étaient prévus pour le Mavricat Live numéro 12, vous savez, celui qui a été annulé à cause du Covid. D'ailleurs, on va vous le dire dès maintenant, hein, réservez votre 10 juin, donc le Mavricat Live numéro 12. Celui-là, j'espère qu'il sera pas annulé, hein. Il aura lieu donc le 10 juin. Donc on a encore le temps, mais il faut mieux réserver dès maintenant votre soirée. Donc c'est un samedi, hein. Alors le groupe Custom avec un morceau qui s'appelle Air and Air Party, or Rock and Roll Party, voilà plus exactement. Ensuite, c'était le groupe Swing Camille que nous avons écouté avec un petit morceau bien swing enregistré dans les studios de Radio Arc-en-Ciel. Hein, ils étaient passés dans nos studios le 11 novembre, voilà. Donc c'était l'émission numéro 527 si je me trompe pas. Et donc on a écouté un morceau de ça me revient pas, voilà, on n'est pas là pour se faire engueuler. Ça me reviendra dans tout à l'heure sans problème, hein, je vous le rappellerai de qui est cette chanson là. Juste après, on a écouté aussi Dérapade avec le titre Sordide, et à l'instant on vient d'écouter Red Daff avec Jet Set Boogie. Voilà. Alors le 4 novembre, on avait reçu ici dans le studio Youss, hein, qui était venu nous parler de son côté un petit peu reggae. C'est vrai qu'il était peut-être un peu moins connu, ce côté-là. Alors il nous fait des chansons qu'il interprète à la guitare sèche. Il nous fait aussi de la musique, comment on peut dire, la musique un peu dance, hein, puisque il fait aussi du hip-hop. Et il était venu aussi pour nous parler de son côté reggae. Et on avait écouté plusieurs chansons qui étaient bien agréables. Le 11 novembre, c'était donc les Swing Camille, je vous l'ai dit tout à l'heure. La semaine dernière, on avait reçu ici, dans le studio de Radio Arc-en-Ciel, un groupe qu'on aime beaucoup, qui s'appelle La Jarry. Voilà, ils viennent régulièrement et ça faisait un petit moment, donc on était vraiment content de les retrouver. Et on avait passé un super moment. Voilà, les photos sont sur Internet. Vous pouvez aller les voir sur le Facebook de l'émission Mavrica. Voilà. La semaine prochaine, personne n'est prévu, puisque de toute façon les gens ne se battent pas pour le mois de décembre. J'ai un petit peu de mal à faire venir les gens. Mais par contre, la semaine prochaine, bon, il est encore temps. Hein. Si jamais vous voulez venir, vous me contactez, vous savez comment faire. Vous allez sur le Facebook de l'émission Mavrica, ou alors vous me contactez sur mavrica@live.fr, donc l'adresse mail de l'émission. Et puis je vous répondrai, il n'y a pas de souci. Et donc la semaine prochaine, personne n'est prévu pour l'instant. Et le 9 décembre, il y aura le groupe Narcose. C'est la première fois qu'on les recevra dans l'émission Mavrica. On écoutera un petit morceau tout à l'heure. On commencera l'année 2023 le 6 janvier avec Alex Le Bay. Le 20 janvier, ça sera The Gig qui sera dans les studios de Radio Arc-en-Ciel. Le 27 janvier, ça sera le retour d'Elsia. Vous savez, Elsia, elle était venue il y a quelques temps déjà. C'est vrai que le temps passe très vite. Et là, il y a encore de l'actualité. Donc, elle revient le 27 janvier pour nous parler un petit peu de tout son travail qu'elle a pu faire depuis notre dernière rencontre. Le 3 février, nous recevrons ici dans les studios de Radio Arc-en-Ciel les Brunettes, enfin dans les studios de Radio Arc-en-Ciel, puisque ça fait déjà un petit moment qu'on devait les recevoir. Et là, ça y est, sont prêtes, elles vont venir, on va passer un bon moment ensemble. Le 24 février, ce sera un groupe de Paris qui viendra. D'ailleurs, ce groupe s'appelle Anaïs from Paris. Et le 3 mars, on recevra Ombrage dans les studios de Radio Arc-en-Ciel. On écoute tout de suite La Jarry. J'ai froid dans le dos. je vous l'ai dit tout à l'heure, c'était le groupe Lajari, c'était nos invités de la semaine dernière, donc l'émission numéro 528, et aujourd'hui l'émission numéro 529, c'est le groupe Jesus Whiskey qui sont ici dans les studios de Radio Arc-en-Ciel. Le morceau de Lajari, c'était un rêve électronique. On avait écouté tout l'album la semaine dernière, sauf ce morceau-là qui avait été interprété en direct live, donc c'est pour ça que je vous l'avais réservé pour le début de cette émission. Et le morceau tout à l'heure des Swing Camille, c'était Boris Vian, voilà, les Jesus Whiskey ont voulu me le souffler mais ils étaient de l'autre côté. Donc ce qu'on va faire, on va aller tout de suite les retrouver dans le studio de Radio Arc-en-Ciel puisqu'ils sont là, et puis il y aura du live, hein, ils ont amené les instruments, donc ce soir on va être gâtés, voilà. Bonsoir les Jesus Whiskey. Bonsoir. Est-ce que tous les micros marchent? Ouais, apparemment du premier coup, hein. Nous, on est des pros, hein. Alors, comment vous allez? Pas mal, ouais. Pour l'instant, ça se passe bien. Voilà. Heureux d'être là. Voilà. Donc, le groupe Jesus Whiskey. On dit whisky ou whiskey? Whisky. Whisky, ouais. C'est vrai que c'est, après, c'est un petit, peut-être un peu un accent qu'on peut se rajouter. Et après, on fait aussi la différence entre les whisky, s'ils sont irlandais ou, je sais pas, moi, je m'y connais pas du tout. Mais vous allez peut-être pouvoir me renseigner un peu plus. On reviendra la prochaine fois. On va creuser un peu. Bah, déjà la première question qu'on peut vous demander, c'est pourquoi vous avez choisi ce nom-là. Bonne question. Il n'était pas capable de répondre. Peut-être. Et ben c'est venu comme ça. Ouais. En fait, on a changé trois fois de nom. Deux fois. Ouais. Parce qu'on est parti. Au départ, on partait sur un groupe qui s'appelait Roots. Roots. Ouais. Première. Oui, l'appellation c'était Roots, ouais. Et puis on a changé, et puis au cours d'un repas on a cherché, et puis ouais, on cherchait un groupe avec le nom du Devil, enfin, Devil, du diable, en rapport avec toute la musique de, enfin, la croisée des chemins, le blues, le mot diable qui revient souvent, ouais. On a cherché un petit peu avec ça. Et puis en fait, on a un peu inversé le truc. et puis, le whisky. Pourquoi whisky? Ouais, oui, je sais pas. Dom, amateur de whisky. Oui, voilà, peut-être. Donc c'est venu comme ça. Hein, c'est. D'accord. Donc voilà. En tout cas, ça sonne bien. Et voilà. Puis donc c'est un groupe qui est assez récent. Ça existe depuis combien de temps? Une petite année. Jeune formation d'un an. C'est tout récent. Ouais, on fait nos premiers concerts. Et puis, ça a l'air d'être pas trop mal. Alors, un an, déjà, vous avez combien de morceaux déjà? Alors, nous, on propose un set. Bah, pour l'instant, on a un set à peu près d'une heure vingt, donc ce qui représente à peu près une vingtaine de morceaux. Après, bon, il en reste encore à faire. Là, il y a encore pas mal de boulot. Alors, là, la prochaine étape, c'est la composition. Enfin, on a quand même pas mal de compos dans le four. Donc là, c'est la prochaine étape. Donc je pense que la prochaine fois, enfin là, on reviendra avec de la compo. Enfin, c'est vraiment notre objectif. Ouais. Pour des trucs qui sont plutôt sympas. Il y a encore toute la partie écriture, encore écriture texte, je parle. À finir, c'est un peu long, ouais. Et c'est plus long, quoi. Petit à petit, ça se construit. Déjà en un an, je pense que vous avez fait pas mal de choses déjà. Donc, 20 morceaux, donc vous répétez assez régulièrement. On essaye. Alors, Amaury, contrebassiste à ma gauche, qui est aussi moitié du temps en Bretagne. Monsieur est un marin. Absolument. D'accord. Il est sauveteur à la SNSM aussi. Ah ouais. Et donc, on essaye de caler un peu nos répétitions en fonction des emplois du temps de chacun. On essaye à peu près une répète par semaine. Des fois il y a des temps de pause, enfin en fonction des vacances, C'est une fois par semaine, quoi. Donc c'est quel jour? C'est toujours le même jour? Non, c'est aléatoire. Enfin, c'est aléatoire. Des plannings de chacun, on essaie d'être régulier là-dessus. Et ça se passe comment? Vous vous retrouvez chez l'un, chez l'autre, dans le studio? Ça se passe soit chez moi. Soit chez Amaury, puisqu'on est voisins. En plus. On se retrouve là et on joue pas mal le matin. On boit du café le matin. Ah ouais. Et puis voilà, c'est la matinée, ça, répète. Ok, donc le groupe est composé de trois membres. Hein, donc on a commencé à en citer quelques-uns. Donc je vais vous laisser vous présenter chacun à votre tour. Donc on sait qu'à la contrebasse, il y a Amaury. Voilà. Oui. Allez, Amaury, lance-toi. Ensuite, Dominique à l'harmonica. Alors Dom à l'harmonica, ouais, qu'on connaît déjà, qui est déjà venu plusieurs fois dans les studios de Radio Arc-en-Ciel. Mmh. Avec toi, tu as joué avec beaucoup de groupes. Hein. Ouais. même c'est vrai que tu as des groupes constants, mais tu aimes bien aussi accompagner d'autres groupes dès qu'il y a un live. Quand on m'invite comme ça je tu t'adaptes facilement. Oui, c'est un plaisir. Tu étais venu avec les Blues Factory d'ailleurs, donc avec qui d'autre encore? Black Hat aussi. Vous aviez fait Stinger, j'étais venu. Stinger passer, aussi. Trois morceaux comme ça, oui. Mm-hmm. Oh, bah, sur les invitations, ça se refuse pas, quoi. Bah oui. Incontournable. Voilà, c'est un des plus grands harmonicistes de la région aussi. Ah, il faut quand même bien l'avouer. Donc. et donc, il nous reste à la guitare et au chant. Ouais, c'est ça. Donc, Adrien. Adrien. Voilà. Voilà, donc le groupe au complet. Au complet. Alors, comment vous êtes rencontrés? Ça fait à peu près un an que le groupe existe. Comment vous êtes rencontrés? La petite histoire, c'est qu'avec Adrien, on se connaît depuis... Ouais, ça fait 2002, on s'est rencontrés. On s'est rencontrés puisqu'il était venu remplacer un guitariste dans un groupe où vous jouez. Groupe de blues, ouais. Et c'était les Papa Chico. Alors, c'est mieux, hein. Ouais, je pense que personne. Les Papa connaît. Chico. Ah, tu vois, dans l'histoire du rock'n'roll ou du blues de la région, c'est vrai que je connaissais pas encore ce nom-là. C'était un rock garage, c'était bien sympa. Donc il est venu remplacer le guitariste qui partait. On a fait 2-3 répètes ensemble et puis après le groupe s'est dissous, donc ouais. on s'est retrouvés tous les deux un peu comme ça. Ouais, voilà, puis enfin ça a tout de suite. Et on a gardé le contact. Moi je suis rentré chez les Blues Factory. Et puis toi, t'as continué, t'as joué un peu. On est toujours resté en contact. Dans plusieurs groupes. Et puis voilà, quoi. Donc, puis ouais, bah, une grande histoire d'amitié et puis c'est vrai qu'on a continué à jouer ensemble on s'était dit des concerts de salon quoi. Faudrait qu'on fasse un truc ensemble et puis ça s'est fait entre deux Covid là. On s'est retrouvé là et puis on a lancé le groupe. Ouais, c'était quelque chose c'était un projet qu'on avait depuis longtemps en fait. On parlait souvent de ça, de créer un duo, déjà duo trio acoustique. Mm-hmm. Et on en parlait, c'est vrai qu'on en parlait souvent. Et puis ça s'est mis en place. Après Covid, voilà. En fait, on a commencé à se lancer. Ouais. Voilà. Et puis ça a été très vite. Et puis après l'arrivée d'Amaury, notre cher contrebassiste. Ouais. Voilà. Moi j'ai une arrivée un peu bizarre en fait. C'était l'après-midi d'un dimanche. Ah oui. Quand on a eu de la bonne musique au fond de mon jardin. Voilà. Notamment un personnage de Jesus interprété avec un son qui me plaisait beaucoup. Je me suis dit, je connais pas cette version, c'est quand même bizarre. Je me dirige au fond de mon jardin, je passe la clôture et je vois, dans le fond de leur jardin aussi, Adrien et Dominique en train de jouer. Alors, je m'y attarde un petit peu, attends qu'ils finissent le morceau. Ouais. J'applaudis, on discute un petit peu et... je me demande à Adrien, mais qu'est-ce qui te ferait plaisir? Oh ben moi j'aimerais bien jouer avec un contrebassiste. Et ben j'arrive. Ouais, voilà. ça s'est fait vraiment. Ça s'est fait comme ça. Comme quoi, des fois, il y a des trucs. On raconte l'histoire, on pourrait dire, voilà, ça a été un peu romancé. Ben non, c'est un peu la vraie vie. C'est la vérité. T'as pas besoin de chercher, des fois. Et un quart d'heure après, il y avait la contrebasse sur la terrasse. Ouais, c'est ça. Embauché en 10 minutes, quoi. Absolument. Le casting a été vite fait. Et en plus, c'était impeccable parce qu'une contrebasse, c'est vraiment. Surtout quand on avait l'idée. C'était le but de notre recherche. On avait l'idée, on ne trouvait pas de contrebassiste, parce que c'est vrai que les contrebassistes. Il n'y en a pas énormément. Non, c'est vrai qu'il n'y en a pas. Puis il faut en trouver des bons aussi, c'est pareil. Ah bah oui, il faut. Et après, qu'ils s'adaptent au style, tout à fait. Et c'est vrai que c'est arrivé comme ça quand on ne s'y attendait pas. Donc c'est marrant. Ouais, que du bonheur. Très bien. Ça se passe très bien. Ouais. Déjà un an d'existence, ouais. Et puis j'espère qu'il y en aura encore beaucoup, beaucoup. Hein. Donc, j'espère aussi. Commencer à démarrer. Donc on a parlé tout à l'heure du fait que vous repreniez des chansons, hein, donc Dépêche Mode, Personnel Jesus, avec une version. Ouais, c'est vrai que. C'est vrai que moi, quand je l'ai écouté, j'ai écouté parce que je vous ai vu au Son des Blés. C'est là qu'on avait un peu discuté ensemble. Et j'ai dit, oh, super génial, parce que c'est vrai que la musique. musique, on a tendance à dire, voilà, on place la musique dans un style ou dans un autre. Alors, votre style à vous, on peut le qualifier comment? Moi je dirais plus folk. On a une tendance bluegrass, très folk. Alors en fait, nous on fait vraiment une musique acoustique, essentiellement acoustique, sans effet. On a vraiment très peu d'effets. C'est très épuré. On essaie de leur prendre des musiques un peu, on va dire entre guillemets poussiéreuses, des vieux morceaux, des Johnny Cash, des choses que on essaye un peu de faire revivre un peu tout ça. À notre manière, et puis surtout les jouer avec le maximum d'énergie, quoi. C'est surtout ça, quoi. Et puis c'est aussi faire connaître des vieux morceaux, quoi. Enfin, on a tendance, même auprès du jeune public, nous on voit pendant les concerts, on voit aussi des plus jeunes qui sont tapés du pied tout ça sur des morceaux qui ont 50-60 ans, donc ça fait toujours plaisir. Et voilà justement ce qui est original, c'est qu'on parlait tout à l'heure de Depeche Mode qui fait de la musique électronique quand même. Je me souviens quand ils étaient apparus dans les années 80, c'était vraiment l'arrivée des synthétiseurs et tout ça. Et justement, vous reprenez un morceau comme ça, mais carrément en acoustique. C'est ça. Donc, on s'est un peu calé sur la reprise parce que Johnny Cash avait repris Personal Jesus. À sa manière. Donc on a un peu repris, on s'est un peu calé par rapport à cette reprise là, à cette version acoustique, quoi. D'accord. Et c'est ce que et puis ça rend le rendu est vraiment super sympa parce que c'est vrai que ça fait partie des morceaux modernes qu'on joue. C'est vrai que le rendu est c'est une chanson qui passe dans notre set, qui passe très bien, quoi. Voilà. En plus, les gens connaissent. Donc, en plus, ils connaissent. Ils connaissent, mais après, ils sont un petit peu perturbés, comme moi, je l'ai été, en disant, repris comme ça, c'est super, c'est carrément différent, vous l'êtes approprié, ce morceau-là. Alors, il y a Depeche Mode. Est-ce qu'il y en a d'autres que vous avez envie de citer tout à l'heure? Johnny Cash Johnny Cash, c'est vrai qu'on aime beaucoup aussi les Creedence. Les Creedence, parce que pour l'énergie et puis pour la simplicité, quoi. Vraiment, c'est des morceaux qui sont très simples, mais qui sont bourrés d'énergie, quoi. Personne ne pourrait me contredire. On reprend du Dylan, des choses comme ça. Quand même. On peut reprendre du Elvis, on le fait vraiment à notre manière. Le but, c'est pas de faire un copier-coller, qu'on essaie vraiment de mettre notre patte dessus et puis transmettre de l'énergie dessus. Oui, c'est ça. Et se faire plaisir, et puis surtout faire plaisir aussi, quoi. Très bien, donc vous nous avez expliqué un petit peu votre style de musique. Alors là, ce soir, vous avez amené des instruments aussi. On a une guitare. Donc vous avez prévu de faire combien de lives? Ça dépend. On essaie d'organiser à peu près la durée de la... On est prêt à faire quelques morceaux. On n'a pas chiffré, on est dispo... on tient une heure et demie. On ira pas plus loin. Parce que justement, il y a deux semaines, justement, il y avait les Sum Camille qui étaient ici dans les studios de Radio Arc-en-Ciel, avec une contrebasse aussi, et ils avaient fait 14 lives. On va leur laisser ce record. Ils avaient fait deux séries de 3 et deux séries de 4, je crois. On va faire le compte. Et effectivement, c'est un vrai plaisir quand il y a des musiciens qui sont en train de jouer ici dans les studios. Et en plus, c'est super agréable parce que le swing, il n'y a pas beaucoup de gens il n'y a pas beaucoup de groupes de swing dans la région. Je connais que. Vrai qu'en swing, Jazz Manouche. C'est toujours agréable à l'entendre. Non, c'est souvent ça. Il y a un chouette groupe et des chouettes gars aussi. C'est un plaisir de faire une émission avec eux. Vous, dans votre style, il y a d'autres groupes que vous connaissez, non? Sur la région. Sur la région. Dérapades. Dans votre style. Dérapades, c'est un style. Ils ont un style bien eux aussi, bien sympa aussi. Il y a quelques groupes blues, après vous, en folk, j'en entends pas beaucoup. J'en entends pas, ouais. Et l'envie de créer cette formation, c'est vrai que en termes de groupe folk, on n'entend pas souvent, et puis l'avantage c'est que c'est passe partout, quoi. Dans un bar, on n'a pas la batterie, c'est beaucoup plus convivial, on peut toujours. C'est pas toi qui portes la contrebasse, on dirait. Comment? C'est pas toi qui portes la contrebasse, on voit. Non, mais bon. La contrebasse, c'est toujours compliqué. Et après, justement, on parlait aussi des groupes que vous connaissez, donc des Rapades que vous avez rencontrés. C'est notre premier concert avec eux. Ouais, c'est notre premier, c'est vrai. On a commencé en octobre. En octobre, ils nous avaient invités pour une première partie. Une demi-heure, un quart. Ouais, c'est ça. Et on avait démarré avec eux, On avait fait la première partie de l'Irapad. L'Irapad, l'Allier en Val, café de la mairie, ouais, super endroit aussi. Ça. Depuis tant qu'on m'en parle, effectivement, il va falloir que j'y aille un séjour. Mais effectivement, c'est un endroit que je conseille beaucoup aux musiciens et j'ai toujours des bons retours. Des fois, il y a des musiciens qui veulent jouer dans le coin. Alors moi, j'essaie de les envoyer à des endroits où ils sont bien reçus. Alors souvent, je leur dis, voilà, tous les retours que j'ai du café de la mairie, c'est un super retour. Donc essayez de voir avec eux pour suivre. On a joué deux fois, nous, là-bas. Super. Vraiment. Oui, c'était super. Oui, c'est voilà, la première partie de la Rapane. Et on a fait la première partie aussi de Mela à 3 avec Yamori. C'était les Mockingbird, c'est ça? Oui. Les Mockingbird. Ah, oui, voilà. Ils nous ont invités aussi. Ils ont dit qu'ils avaient trouvé ça vachement bien. Hein. On dit pas, vous venez. Les Mockingbird qu'on avait reçus il y a quelques temps aussi dans les studios de Radio Arc-en-Ciel. Super groupe là. Ouais, super groupe. Ah ouais, franchement, et que du bonheur. Parce que je me souviens, il y a des émissions comme ça où j'apprends plein de choses. Parce que il y a aussi des spécialistes, des gens qui connaissent beaucoup la musique et qui m'en apprennent beaucoup. Hein. Et c'est ce que j'aime bien dans l'émission. C'est pas seulement moi qui dois donner les informations. Je suis là aussi pour apprendre et je m'enrichis justement du passage de tous les musiciens qui viennent dans les studios de Radio Arc-en-Ciel. Voilà, on écoute un petit peu de musique et puis après on va encore discuter parce qu'on a encore plein de questions à vous poser. Alors vous, pour l'instant, vous n'avez pas d'enregistrement officiel. Non, pour l'instant, c'est pas très officiel. Bon, on va en parler juste après. Donc on continue avec un petit morceau. On se trouve juste après. Voilà, donc c'est une nouveauté sur Radio Arc-en-Ciel, le groupe Narcos, avec un morceau qu'ils nous ont envoyé il y a un ou deux jours seulement. Donc on est vraiment les premiers à le passer dans l'émission. Le groupe s'appelle Narcos, ça sera notre invité le 9 décembre, donc la semaine prochaine normalement il n'y a personne, mais la semaine suivante il y aura le groupe Narcos ici dans les studios de Radio Arc-en-Ciel. Et le morceau qu'on vient d'écouter, c'est Steve Jones. Voilà, on est ce soir dans l'émission numéro 529, j'espère que ce numéro vous portera bonheur. C'est le groupe Jesus Whiskey, voilà, on va le dire, Jesus Whiskey, qui est notre invité, et on a commencé à découvrir le groupe, hein. Donc le groupe est composé de trois membres, il y a une guitare, un harmonica et une contrebasse, donc Dominique à l'harmonica, Adrien à la guitare et au chant, et Amaury à la contrebasse. Et le groupe, il existe depuis à peu près un an, donc c'était une bonne rencontre entre deux personnes qui se connaissaient depuis longtemps, oui. Et puis le voisin qui a écouté un petit peu de musique et qui s'est approché avec sa contrebasse, voilà. Et depuis, le groupe tourne. Vous avez fait combien de concerts jusqu'à présent ? Oh, on est à peu près à 6-7 concerts, là, déjà. En fait, ça s'enchaîne de plus en plus. On a fait le festival Son des Blés, c'est ça ? Ouais, le Son des Blés, c'est là où C'est Pat là, qui nous avait contacté aussi. Les Jardins, là. On a fait les Recurrents du Cœur, on a joué deux fois au Café de la Mairie, justement, à Lyon-Val. Le Parc et Jardin, On a fait les Dimanches Intermusicaux, c'est les Dîmes sur Orléans. Pareil, super Beaujolais. Et le Beaujolais. On a fêté le Beaujolais. Whisky Beaujolais. Un bar qui s'appelle Les Domaines qui montent aussi. Oui, super. Sur Olivier, qui est très sympa. Ouais. Très, très sympa. À chaque fois, super accueil, super public. Pour l'instant, on a qu'une envie, c'est de continuer. Voilà. Très bien. Justement, la semaine dernière, vous étiez en concert avec Arsenic. C'était les Rockers Ont du Cœur. C'est ça. Organisé par Arsenic, une association de la région orléanaise qui fait jouer les artistes de la région et qu'on salue très fort. Mmh. Et puis, vous étiez avec Sika. Il y avait Missing. Et le troisième, c'était Full System. Voilà. Full System, ouais. Donc voilà, que des groupes qui sont déjà passés dans les studios de Radio Arc-en-Ciel, donc des gens qu'on connaît. Et ça s'est bien passé, ce concert. Ouais, génial. Alors nous, on faisait les interplateaux, c'est-à-dire qu'en fait, entre chaque changement de groupe, on était plus là, dans le hall pour continuer l'animation, en fait. Et puis ça permet de faire le changement de plateau. La soirée. Et puis c'est aussi nous, en tant que jeune groupe, de se faire connaître. Et ça a plutôt bien fonctionné. Ouais. On était vraiment. Les gens étaient. Et c'est pour une belle action en plus. En plus, c'est une bonne action. Ça, c'est vrai que. Super. Non, c'est une super expérience. Bénévoles super. En plus, on fait un travail formidable. Ouais. Il faut saluer les bénévoles. Ah, c'est pour ça, et il faut toujours féliciter les associations comme ça qui se donnent du mal, parce que il faut savoir ce que c'est une organisation d'une soirée comme ça, c'est beaucoup de travail. Et en plus, pour une bonne œuvre comme ça, donc après, il y a aussi choisir des bons musiciens, et le public était présent aussi. Le public était présent. Ouais, super, donc une super bonne soirée. Oui, c'était bien. Donc il faut les encourager à continuer à faire ça régulièrement. Le font l'association Arsenic. Pendant qu'il y avait ce concert-là, il y en avait un autre qui était au Dropkick avec Dérapade et les Red Daft, qu'on a écouté tout à l'heure. Donc les copains. Et d'ailleurs, il y a quelques retours aussi sur Facebook. Si vous avez des petits trucs à dire, vous pouvez aller sur le Facebook de l'émission Mavrica. C'est simple, c'est Albino Mavrica, tout simplement. Et vous pouvez laisser des petits messages. Donc on en a déjà. On a notre ami David McLean qui nous dit bonne émission et que le rock'n'roll guide vos pas. Voilà. Rock'n'roll. Et puis on a aussi Antoine Gauthier, vous le connaissez, monsieur-là. Antoine, le guitariste des Red Daft, justement, qu'on parlait. Il dit la bise aux copains, Jesus Whiskey. Le caisson le 10 décembre. Voilà. Youpi. Ça nous permet d'être. Vous pouvez l'annoncer dès maintenant. Donc vous serez en concert. Décembre. Et il y en a plusieurs. C'est un concert des copains. quoi, c'est un truc comme ça. Il y a trois groupes. Hein. Vous pouvez me rappeler lesquels ou on cherche, parce que là, c'est vrai que je prends un petit... j'ai pas préparé, vous peut-être pas non plus. Non, bon, on en parle tout à l'heure. On regarde exactement, on va retrouver l'affiche. Il y a pas de souci. Donc, il y a ce concert-là qu'on peut déjà annoncer, où vous serez là. On va annoncer aussi les autres juste après. Et, est-ce qu'il y a d'autres concerts aussi qui sont déjà... Alors, on est dans l'attente de réponses, de concerts, des personnes qui sont venues nous voir. Alors, donc, on a distribué des... Voilà. Et on attend. On attend. Ça devrait se décanter. Enfin, là, pour l'instant, on n'a pas de date précise. Après le 10, oui, après le 10, c'est... Ouais, après le 10, on va clôturer l'année avec le 10. Ouais, et après, je pense que ça va reprendre après début de l'année prochaine. Voilà, je pense que ça va revenir... Très bien. Donc les gens qui vous suivent, qui veulent savoir justement quels sont vos concerts, il y a une page Facebook. Tout à fait, il y a la page Facebook Jesus Whiskey. Donc on essaie de la tenir à jour. Ouais. Donc il y a une petite erreur, il va falloir la corriger aussi. Ah, il y a une petite erreur. Une petite erreur dans la présentation du groupe. C'est une trocature malheureuse. On la dira pas. On la dira pas, mais bon. Il y a une petite erreur, mais bon, justement, si vous voulez aller sur le site, essayez de trouver. C'est ça, essayez de trouver. Voilà, et puis vous pouvez nous appeler si vous avez compris quelle est l'erreur. Donc il y a le Facebook, on peut vous contacter, on peut justement voir pour savoir la suite des concerts qui vont arriver. C'est ça, on essaie de tenir à jour, et puis dès qu'on a des concerts, toute façon, les organisateurs aussi peuvent vous contacter en disant « Ouais, c'est bien ce que vous faites, ça vous dit de venir faire un petit concert ?» Exactement. On attend que ça. Voilà, donc tiens, encore un copain qui nous envoie un petit message. Alors je lis en direct, hein, c'est Benoît Le Marchand, je pense que vous le connaissez aussi peut-être. Alors Ben, il nous dit bonne émission à vous les amis, Jesus Whiskey, l'ami Albino va vous faire ça aux petits oignons. Voilà, je fais ça pour le mieux, hein, donc avec mon cœur depuis déjà des émissions. Donc notre ami Benoît, voilà, ça fait un petit moment qu'on l'a pas vu, donc s'il a envie de revenir dans les studios Radio Arc-en-Ciel, il n'y a pas de souci, il est toujours le bienvenu. Donc continuez à nous envoyer des petits messages, ça nous fait toujours plaisir, et puis il y a toujours les gens qui nous mettent un petit j'aime, tout simplement, ça nous fait plaisir aussi. Et comme ça nous permet de savoir qui c'est qui nous écoute parmi les amis, hein, voilà. Et après, si justement vous n'êtes pas encore amis, vous pouvez aussi demander à devenir amis du Facebook, comme ça vous serez au courant de ce qui se passe dans l'émission Mavrica au fur et à mesure. Voilà, donc pour les concerts, donc il y a le 10 décembre, ça se passe à Talcy, donc au Caisson. Au Caisson, hein, c'est un endroit bien sympathique. Hein, très sympathique. Voilà, vous connaissez aussi. Un peu. Oui. Je l'ai déjà vu là-bas. Donc c'est un endroit bien sympathique et c'est l'association Red Daff, hein, parce Red que Red Daff, c'est une association et c'est aussi le groupe, hein, qu'on apprécie beaucoup dans l'émission Mavrica. Ouais. Qui s'occupe de ça. Voilà. Alors on va parler des projets, parce que là pour l'instant vous êtes un groupe plus de scène ou de studio? Un studio pas encore. Pas encore. On aimerait bien. Et puis je suis sûr que ça va venir. Ça. Chaque chose en son temps. Pour l'instant on prépare un set, hein, véritablement. Voilà. Enfin là, c'est vraiment on est dans la préparation. On peaufine, on choisit les bons morceaux, va avec le style, avec la voix aussi. Et après, ce qu'on disait tout à l'heure, en fait, c'est vraiment, après, c'est de la composition, le travail de composition. Ouais. Et après, c'est pour envisager du studio. Ouais. C'est vraiment. Ce sera carré, Une fois que tout sera carré, tout sera construit. Pour l'instant, dans votre set, il y a déjà des compos? Alors on a tenté une compo qui est pour moi, il y a encore un peu de travail à faire, c'est encore un peu fragile, mais on commence à y venir là, voilà. On a de la compo, et elles sont en cours d'élaboration en fait là. Donc ça prend forme petit à petit, et je suis sûr que si on reviendra avec de la compo. D'accord. De toute façon, là c'est la première fois que vous venez, c'est votre baptême, mais après, une fois que vous faites partie de la famille, vous revenez quand vous voulez. Hein. Eh ben, parce que je dis à tous les groupes. Alors il y en a qui reviennent régulièrement, hein, tous les ans ou tous les 6 mois. Et puis d'autres, des fois, qui sont passés. Et puis on, bon, y a aussi beaucoup de groupes que j'ai reçus en début de voilà, l'émission a bientôt 13 ans. Hein, ouais. Donc il y en a beaucoup qui n'existent malheureusement plus. Hein, et c'est vrai que bon, les groupes, c'est comme ça. Il y en a certains qui durent très longtemps, il y en a d'autres qui durent moins longtemps. Mais heureusement, il y en a quand même qui durent des vingtaines d'années. Hein. Moi, j'ai certains groupes comme ça. Ouais. On est un peu surpris en disant, voilà, les mecs, ils jouent, ils avaient 20 ans, ils ont commencé. Et aujourd'hui, ils ont 20 de plus. Et puis dans 20 ans, ils seront encore là. Ça, ouais. Voilà, ça fait plaisir. Voilà. Donc j'ai un morceau que je diffuse déjà depuis quelque temps dans l'émission Mavrika. Je sais que c'est vous, mais par contre je connais pas le titre. Donc alors j'ai bien essayé de voir avec les logiciels sur téléphone pour voir s'il reconnaît, mais il reconnaît pas. Donc parce que vous l'avez repris. Donc on le reprend. Alors c'est pareil, c'est un truc qui a été enregistré dans le jardin. C'est tiré des avec le téléphone. Donc voilà, ça se donnait un aperçu. Mais bon, comme on l'a sous la main, on va l'écouter. Ça va permettre aux éditeurs de découvrir un petit peu le style. Et puis vous me direz le nom de ce morceau-là. Ben c'est parti. Comme ça, dès que vous le reconnaîtrez. C'est parti. Et ça sonne pas mal hein, quand même. Hein. Vous avez fait ça avec les moyens du bord. C'est tiré de. Mais bon, ça passe bien la radio. Hein. On entend bien le style de musique en tout cas. Alors ce morceau-là, il s'appelle comment ? Alors c'est un morceau qui s'appelle Nobody's Dirty Business. C'est un groupe de bluegrass américain qui s'appelle The Devil May Free. Donc on reprend. C'est C'est un super groupe, pareil, qui est un groupe acoustique, un peu dans le style, notre style à nous. Super sympa. Donc The Devil May Cry, que je conseille pour ceux qui aiment ce genre de musique, quoi, en tout cas. Très bien, en tout cas c'est un superbe morceau, moi j'ai bien aimé. Et puis c'est vrai que j'avais découvert et je me suis dit tiens, pour illustrer un petit peu, comme je savais que vous alliez venir dans les studios de Radio Arc-en-Ciel, je dis on va commencer déjà à diffuser des morceaux, mais je rappelle aux auditeurs qu'il y aura du live tout à l'heure. Hein, on les fait languir encore un peu plus. Voilà, donc il y aura des morceaux en direct live dans les studios de Radio Arc-en-Ciel, puisqu'ils ont amené leur instrument. Alors on parlait justement de projets, donc dans les projets. Alors il y a déjà continuer à faire de la composition, hein, c'est la première chose. Comment ça se passe composer un morceau? Parce que c'est pas évident. Est-ce que la musique, c'est la musique d'abord? Est-ce que c'est les paroles d'abord? La musique d'abord. D'abord. La musique d'abord. Il y a des plans qui viennent comme ça. En place, oui. On construit un petit peu, on l'assemble, on en parle ensemble, on regarde, et puis petit à petit, on compose déjà un peu la musique, quoi. On greffe l'harmonica, on greffe la contrebasse. Et après, le plus gros pavé, c'est vraiment le texte. Quoi. Ouais, le texte, c'est l'écriture. Après, on essaie de chanter. Enfin, je chante en anglais. Donc, il y a vraiment un gros travail d'écriture à faire derrière. Donc, pour l'instant, c'est pour ça qu'on prend un petit peu plus de temps. Qu'est-ce qu'il y a dans les paroles de vos compositions, justement? Qu'est-ce qui vous inspire? Qu'est-ce qui nous inspire? Un peu les choses de la vie, on va dire. Oui, c'est ce qui se passe autour, quoi, de nous. Ça peut être aussi bien les choses de la vie, une rupture, les problèmes. Le boulot. La sécheresse. Ce qu'on retrouve dans beaucoup de chansons, d'ailleurs. C'est des thèmes un peu récurrents. L'amour. ça, dans les chansons, ça marche toujours. Ça, c'est vrai que c'est une recette qui. C'est ça, ouais. Et puis le whisky aussi. Bien sûr. On essaie de trouver des thèmes qui nous parlent. Qui vont avec le style de musique. Qui vont avec le style, ouais. Et puis l'écriture, c'est pas rien, l'écriture de texte, parce qu'il faut vraiment trouver des mots qui sonnent aussi, parce qu'on a toujours l'impression que c'est pas que des paroles. Les mots, ils sonnent aussi. Il faut qu'il y a tout ça, il y a un rythme aussi dans les paroles à donner. C'est un gros travail. Ouais, c'est un gros. Et en plus, le truc, c'est que moi, en tant que chanteur, moi, je découvre un peu ce travail, parce que avant, j'étais pas du tout chanteur. Ouais. C'est ma première expérience de chanteur, avec le groupe avec Jesus Whiskey. Il forçait, c'était pas prévu comme ça. Et vous pouvez enlever le canon du pistolet qui est sur sa tempe. Il va chanter, c'est bon. J'ai cédé. Je découvre un peu tout ça, et puis c'est du boulot, c'est du boulot. Quand on veut faire les choses bien, de toute façon, c'est toujours du boulot. On s'applique. Donc il n'y a pas de résultat, c'est un travail. Il faut savoir prendre son temps et puis pas non plus. Et c'est vrai qu'il y a une. Bon, c'est pas vraiment une règle, mais j'ai remarqué souvent parmi les groupes que j'ai reçus, la plupart c'est des groupes français. Alors quand je chante en français, souvent c'est d'abord les paroles. Mmh. Et quand je chante en anglais, c'est le rythme, c'est la consonance. C'est exactement et ça. Voilà. Donc c'est pour ça que ça m'étonne pas que vous commenciez par la musique déjà. Après c'est la langue anglaise. C'est vrai que c'est celle qui sonne le mieux pour ce type de musique là. Exactement. Donc, après c'est tout envisageable, hein, tout est possible. Oui. Après il y a des gens qui le font très bien. Il y a des gens qui le font très bien. Même le rock, on dit c'est anglais et tout ça. Même c'est une chanson de la Jarry où disait il faut naître à Liverpool pour pouvoir chanter du rock and roll. Mais pas forcément. La preuve, c'est qu'ils chantent en français et ça va très bien. Mmh. Et il y a des groupes, justement, c'est leur point fort. Par exemple, le groupe Téléphone, s'ils chantent en anglais, je pense que. Téléphone, c'était. Il n'y a pas que Téléphone, Indochine, beaucoup de groupes comme ça. Donc, c'est chacun. Des Rapades, c'est en français. C'est ça. Puis je pense qu'on a du très très bon rock français. C'est pas discutable. Il faut savoir. C'est comme tout, après c'est une histoire de choix, de style, c'est en fonction de. Après pour le folk c'est quand même un peu plus rare. Ouais, c'est vrai, mais pourquoi pas, il y a eu Bob Dylan, mais il y a eu aussi Hugo Frey. Hugo Frey a repris, les chansons de Dylan, mais tout à fait en français. C'est pour ça que c'est un peu notre Bob Dylan à nous, Hugo Frey. Il y a tout comme toute une partie de la musique cajun, qui est faite en français, donc là, New Orleans, donc on est quand même dans ces inspirations-là aussi de temps en temps, donc voilà. Oui, oui, c'est l'origine quand même de la musique actuelle. Hein. C'est vrai que ça vient un peu de là, le blues, il y a eu toutes ces mix. Et puis c'est vrai que dans le sud, c'était aussi les chansons des esclaves qui étaient là au début, qui ont amené leur rythme et tout ça d'Afrique, qui s'est mélangé avec des musiques traditionnelles d'autres pays, d'autres Américains qui étaient arrivés. Bon, c'est ce qui a fait la richesse de la musique anglo-saxonne, il faut le dire, hein, les États-Unis. Et après, c'est revenu en Europe et c'est reparti là-haut. Donc aujourd'hui, il y a tellement de sites différents. Mais bon, la musique qu'on aime, elle vient de là. Elle vient du blues. C'est ça, oui. Bon, il fallait le dire quand même. Ouais. Donc, le blues, et pas que, hein. On parlait aussi du jazz. Il y a beaucoup de musiques qui ont influencé. Et puis après, il y a aussi la soul, beaucoup de musique africaine qui s'est mélangée un petit peu avec le côté aussi des autres personnes. Par exemple, côté blanc, c'était plutôt les country, etc. Bon, y a quelqu'un qui appelle. Bah, ce que je te propose, c'est qu'on envoie un petit peu de musique et puis on répond au téléphone. Ouais. On fait comme ça. Ah, c'est pour moi. adore crever ou survivre toutes ces années. C'était le groupe Turn Off avec James Carter, et juste avant c'était le groupe Corrosive System qui était chez nous il n'y a pas très très longtemps, il y a à peu près un peu plus d'un mois. Corrosive System avec Instinct Bestial, et puis les Turn Off qui eux aussi sont déjà venus dans les studios de Radio Arc-en-Ciel, et je les avais découverts aussi au Son des Blés aussi, mais c'était l'année dernière. Voilà, comme quoi le monde est petit, et puis donc on arrive à voir qu'on connaît pas mal de gens voilà, qui font partie de la musique. On va discuter avec quelqu'un d'autre aussi. Bonsoir. Ouais, bonsoir. Ah bah ça marche du premier coup, tu vois. Nickel, boom. Quand on sait utiliser le matériel, il n'y a pas de problème. Bah oui, voilà, ça nous fait toujours plaisir. Donc c'est un habitué de l'émission Mavericain, hein. c'est un auditeur très fidèle, et en plus qui est musicien, hein, qui fait partie du groupe Prisma, qui s'appelle Christophe. Ça va, Christophe? Ouais, salut, bah, ça va très, très très bien, c'est la fin de la semaine, donc maintenant on va se concentrer à 100% sur la musique, voilà. Bah ouais. Et puis bah voilà, j'appelais surtout pour féliciter les Jesus Whiskey. Ah, merci. Puisque j'ai merci. Eu le plaisir de les découvrir vraiment en live la semaine dernière au Rocker en Duqueur. On a eu une petite discussion avec avec Dom, si tu m'en veux. Oui, je t'entends. On est voisins. Voilà, et puis... Quand t'as dit que le monde était pire... Donc on est voisins. J'ai kiffé vraiment votre son, parce que ça m'a rappelé pas mal de petites choses aux US. Et puis vraiment, vous vivez votre zik. Voilà, il n'y a pas de mensonge. Et là, il y a aucun travesti. Il y a pas. Voilà, ça se voit. Ah, merci. Ça fait plaisir. Merci, Christophe. Tout simplement, j'ai pas eu l'occasion de vous le dire. Voilà. Mais j'ai vraiment bien apprécié votre prestation en interplateau sur les rockeurs en du cœur. Et donc. en tant qu'organisateur d'événements, bah, voilà, je m'en rappellerai. Voilà, ah, il y a un plaisir. Merci beaucoup. Au top. Merci à toi. Merci. Pas de problème. Quand tu veux. Voilà, oui, effectivement, j'écoute très très souvent Mavrika. Ah bah oui, c'est sûr. Déjà, j'aime bien l'idée d'Albino de diffuser les titres des groupes locaux, parce que c'est tellement compliqué en ce moment, et encore plus en ce moment, bien évidemment, l'après-Covid. L'après-Covid, oui. Franchement, on est pas revenu à la normale. Ça, c'est celui qui me dit le contraire, il se trompe. Voilà, je voulais aussi le remercier en même temps pour faire tout ce qu'il fait et puis voilà, faire et soutenir la scène locale et tous les groupes. Il y a de très bonnes prestations et voilà, on a de très bons groupes sur la région et franchement, faut les soutenir, faut venir les voir en concert. Faut pas hésiter, donc l'excuse du match de foot, il y a du replay, hein, ça existe, donc tant pis pour le match de foot, on s'en mange. Faut arrêter de trouver des excuses, c'est trop chaud, c'est machin, c'est truc mûche, le sandwich il était pas bon, enfin moi j'ai plus de solution en tant qu'organisateur d'événements. Maintenant, voilà, on se fait plaisir avant tout. Les gens, ils veulent venir, ils viennent avec plaisir. On les rencontre, on discute. Ils veulent pas venir, pas de problème. Mais il faudra pas qu'ils viennent se plaindre que, à un moment donné, il y aura plus. C'est clair, hein, le concert. Voilà, parce que on est tous zikos, on prend plaisir pour la zik qu'on produit, que l'on joue. Il n'y a pas de problème pour ça, ça c'est un plaisir individuel, mais on prend encore plus notre pied, et je pense que Dom et tes potes, vous êtes sur la même longueur d'onde, c'est que on prend encore plus notre pied quand il y a du répondant, bordel. C'est ça. Ah bah oui, c'est clair. Et voilà, toi, le truc comme Rocker au Buqueur, la Fred avec son assaut, ils mettent tout leur cœur pour le nom, d'ailleurs. Voilà, pour organiser des trucs aux petits autres. Et franchement, mais il n'y avait rien à redire. Tout était nickel. L'accueil, le prix des places, faut arrêter 10 balles pour voir 4 groupes. Oui, c'est ça. Non, c'est vrai, mais c'est bien de le dire. Putain de fond, des lights, tu passes une super soirée pour 10 balles. Mais je sais pas, enfin moi, il y a des choses que je comprends plus. Et les icos ont besoin de ça. Alors pas pour vivre. Mais pour vivre, mais un souvenir avec le public. Ouais. Voilà. Tout simplement. Voilà, on félicite encore une fois Arsenic. Hein. Oui. Comment ? On félicite encore une fois Arsenic pour ce qu'ils ont fait. Franchement, c'est un truc formidable. Franchement, c'était une superbe soirée dont je garderai un bon souvenir. Ouais. Et il faut soutenir la scène locale. On n'arrête pas de le dire, mais il n'y a pas photo, quoi. Parce que si ça continue comme ça, on va finir par avoir que des trucs stéréotypés. Voilà, on va entendre, on va accueillir des artistes. C'est la merde qui diffuse tous les jours sur des radios à toucher de balles partout. Quoi. Et mais il y a un moment donné, merde, c'est stéréotypé. Voilà, simplement. Voilà, tu passes ton coup de gueule et puis tu as bien raison parce que franchement, il y a des artistes qui travaillent beaucoup, qui essaient de faire des belles choses, et ils le font, hein, ils le font très bien. Alors, il y a aussi des associations qui les font jouer et tout ça, et les gens, des fois, il faudrait qu'ils sortent, hein, tout simplement, qu'ils aillent au concert. Mais à force, moi, ça fait un bout de temps, hein, ça fait plus d'une trentaine d'années que je suis dans le milieu, je veux bien tout entendre, hein, il n'y a pas de problème, je me rappelle de ma toute première scène où on m'a dit, le public il s'est barré parce qu'il y a le quart de finale ou la demi-finale de l'équipe de France au mondial. Bon, ok, je peux le comprendre, mais stop, il y a un moment donné, c'est stop, qu'est-ce que vous voulez, quoi. Oui, parce que c'est bien de regarder les trucs à la télé tout ça, mais c'est le mieux, c'est de le vivre, vivre en direct, être dedans. Donc quand on a le choix entre de regarder un truc à la télévision et puis d'aller participer à un concert, je pense que bon, il y a pas photo en tout cas pour mon cas en tout cas. C'est ça. Et toi, tu es organisateur de concerts aussi, tu es musicien et tu es aussi tu es un bon public. Je sais que tu aimes bien aller voir justement les autres personnes qui font la même chose que toi. Je découvre parce que comment veux-tu donner une opinion oui. Sur un tel ou tel artiste, bah, qu'est-ce que t'en penses? Faut avoir le CD, mais le mieux, moi ce que j'adore, c'est d'aller voir les groupes sur scène. Tu vois l'énergie qu'ils produisent, tu vois le placement, tu vois tu sens le travail qu'il y a derrière. Toi, j'ai pris plaisir à écouter Sika, ça faisait bien longtemps que j'en entends parler, mais j'ai pas d'album de Sika, je l'avoue. C'est vrai que Sika, moi je l'ai reçu ici à plusieurs reprises avec plusieurs projets différents, dont Sika, mais ça a évolué tellement maintenant, elle a des musiciens qui l'accompagnent et des bons musiciens en plus. Franchement, elle s'est entourée de la crème de la crème quand même. Hein. Alors oui, effectivement, c'est pas mon style, mais je ne veux pas me focaliser sur un style. Moi, pour moi, la musique, c'est tous les styles. Ouais, quand c'est bien fait, c'est bien fait, voilà. Je ne parle pas de paroles sur une bande son, mais ça, c'est un autre problème. Bref, voilà, j'ai pris plaisir à découvrir et Sika, donc et Dune. Full System, ouais. J'en entendais parler, mais je les avais jamais vus. Là, je les ai découverts et franchement, voilà, très très bien. Ouais, moi, j'ai eu la chance d'assister à une de leurs répétitions à Polysonic. Ils m'avaient invité, j'avais passé un bon moment avec eux. Franchement, c'est des gars super bien et qui bossent, qui sont vraiment à fond dans ce qu'ils font. Hein. Bien sûr, bien sûr. Et puis donc, évidemment, Missing, Fred et son groupe, je les connais depuis pas mal de temps quand même. Je trouve qu'ils évoluent très très bien. Ils se professionnalisent, ils ont mis beaucoup de choses en place et on sent le travail qui est derrière. Et puis la claque que j'ai prise, c'est les Jesus Whiskey, parce que je tiens à dire whisky puisque je suis moi aussi un amateur de... D'accord. C'est la marque. Alors non, si on n'a pas le droit, bah JD. Si JD, on va dire JD. Voilà. Hein, ça vous convient? Ouais, ça c'est bien, c'est bien. Alors ça, c'est quoi? C'est un truc qui sert à décrasser le carburateur, c'est ça, hein? Entre autres. C'est le meilleur antidépresseur. Voilà. D'accord, oui, forcément, il vaut mieux prendre ça que d'autres saletés. Ouais. Ah ben, c'est ça. Et ça n'a jamais fait de mal. Moi, à ma connaissance, ça n'a jamais tué personne. Oui, avec modération, bien entendu. Oui. Voilà, parce que Rémi, le problème, c'est que c'est un fan de JD. T'as vu, j'ai toujours pas dit la marque. Hein. C'est un fan de JD, je pense que ça a contribué un petit peu à sa maladie. Bref. Mais voilà, non, franchement, j'ai pris une claque parce que tu sens que les mecs ils sont pas là pour c'est pas des figurants, quoi. Voilà, ils vivent leur vie, voilà, tout simplement. Donc chapeau les gars. Chapeau. Bon, merci. Merci à toi. Merci beaucoup, Christophe. Ouais. En tout cas, ça nous fait plaisir de t'avoir. Et puis, c'est vrai qu'on discute assez régulièrement pendant l'émission d'Eureka. Et là, bon, t'avais envie de parler aussi avec nos invités. Et donc, de temps en temps aussi, tu peux aussi parler au micro de l'émission d'Eureka sur Radio Arc-en-Ciel. On peut aussi parler d'autres choses. C'est d'un autre animateur que tu suis aussi sur Radio Arc-en-Ciel. Hein. Donc, il faut le dire. Hein, dans l'émission Mavrika, on reçoit des artistes. Il y a plusieurs, il y a une trentaine d'émissions différentes. Et toi, tu aimes bien suivre Mavrika et aussi une autre émission qui s'appelle Electric Shock. Electric Shock. Mais là, c'est une grande histoire. C'est même presque une histoire d'ado. Parce que, en fait, donc Electric Shock, avant, ça s'appelait Metal Maniac. Et, ouais. Parce que je suis issu et je kiffe le hard rock et le métal, même si j'ai 53 années, on s'en fout, c'est de la musique que j'aime. Et c'était un plaisir de participer parce que j'ai participé fait un bon nombre d'émissions avec, avec notre regretté ami Fred. Ami, Fredo, voilà, Fred qui nous manque énormément. Ouais. Bref. Et donc là, bah, c'était. Alors, je sais plus combien d'anniversaires. En gros, je crois que ça représente quasiment 28 ans de, en tout hein, d'émission. Si je me trompe pas, hein, entre d'accord. celle de Fred et celle de Christophe maintenant. Et ce que j'adore, c'est que grâce à cette émission, moi qui suis vraiment dans le move hard rock et metal, bah, c'est que sans avoir d'abonnement avec des mensuels, voilà. T'es pas obligé d'aller à la Fnac ou chez notre disquaire préféré orléanais Planète Claire. Toi, je fais un peu de pub aussi pour notre ami Roger. Bah, c'est le seul en même temps, donc on peut parler de lui. Hein. Donc il n'y a pas de concurrence, hein. C'est le seul à vendre des disques encore. Le seul disquaire. Mais ce que je voulais dire, voilà, il nous fait découvrir toutes les semaines. Il y a toujours au moins deux ou trois nouveautés. Grâce à Christophe et puis voilà, tu découvres des nouveaux groupes, des nouvel albums de groupes anciens, enfin bon bref, et ça permet de suivre l'actualité musicale et je trouve ça génial quoi. Voilà. Et tout ça, je sais ce qui est derrière, toi, Albino et Christophe, voilà, vous donnez de votre temps, de votre passion, et ça, moi je veux le soutenir parce que si vous n'êtes plus là, les radios locales tombent et on va se retrouver tous à écouter de la merde. Donc on va finir par couper la radio, tout simplement. Ouais, ouais, ouais. Voilà, là, entre la pub qui nous matraque de plus en plus, maintenant, une heure d'émission, t'as trois quarts d'heure de pub. Ouais, gros, hein. De plus en plus. Hein. Peut-être, mais c'est ça. Et puis t'apprends rien parce que. Toi, par exemple, au hasard, le dernier Mylène Farmer, bah voilà, elle a foutu, enfin sa maison de disque, plus exactement, elle a foutu 1 million d'euros dans le bordel, et puis ça va être diffusé 10 fois par jour, quoi. C'est du matraquage, voilà. Voilà, voilà comment ça fonctionne. On va me prendre pour un ours mal léché. Bon, je l'avoue, je le suis, mais dans les marques, voilà, faut un peu péter le système et puis bravo, voilà, à tous ceux qui soutiennent la scène locale dans tous les styles, pour tous les icos du coin et d'ailleurs. Voilà, on peut un peu se comparer. Justement, tu sais, il y a les gens, les grosses industries qui font des choses, et nous, on est des petits artisans avec des vrais artistes qui font avec leurs petits doigts sur leurs instruments, qui nous font de la bonne musique. Voilà, le côté artisan. Et on peut aussi se comparer peut-être à l'agriculture intensive, et puis nous, on est les petits cultivateurs bio, tu vois. Voilà, donc on préfère plutôt la qualité plutôt que la quantité. Et puis bon, si l'important c'est de partager des bonnes choses. Voilà, mais c'est bien d'écouter les radios locales, ça il n'y a pas de problème, mais surtout les soutenir quand ils créent des événements quoi. Parce qu'un événement, c'est pas on claque des doigts et 10 minutes après on a du matos, on a une salle et on joue. Non. Là toi, le Creekfest numéro 2. Tiens, je fais un petit coup de pub. Oui, vas-y. Bien sûr, en passant, pour le 8 avril 2023. Ah, c'est un événement comme ça, c'est 6 mois en amont, préparatif. Là, toi, la semaine dernière, j'ai pas pu écouter l'émission parce que j'étais en réunion préparatoire du Creekfest numéro 2. Voilà. D'accord, très bien. Donc ça avance, tu prépares tout ça. Et puis donc le 8 avril, hein, il faut retenir la date. Hein. Ah bah oui, je compte sur vous pour faire péter la jauge de la salle. Je m'en expliquerai avec monsieur le maire après, plus tard, ça c'est pas grave. mais bon, de toute façon, et d'ici là on en reparle, et puis même ce qui serait bien, c'est que tu viennes ici dans les studios de Radio Arc-en-Ciel pour nous en parler. Eh ben écoute, merci pour l'invitation, je dis non. Il n'y a pas de souci, toujours le bienvenu. Merci Christophe. Merci. Pas de problème, et puis bah voilà, bon courage à vous. Les merci. Au plaisir de vous revoir sur un plateau ou sur une prochaine scène. Avec plaisir. Et merci encore, Mavrika. Ouais. Voilà. Allez, salut Christophe. Salut Christophe. Bonne écoute, bonne soirée. Merci. À très bientôt. Ciao. Voilà, donc ça nous fait toujours plaisir de discuter comme ça au téléphone, comme ça en direct live dans les studios de Radio Arc-en-Ciel. On est là, on est plusieurs, hein. Il y a moi l'animateur, et il y a aussi le groupe Jesus Whiskey qui est là. Bon, je le dis à sa manière parce qu'il m'a dit, on dit Whiskey. Ouais, allez, bon, c'est pas bien grave. Et puis on avait donc notre ami Christophe du groupe Prisma et du Creek Fest aussi, hein, qui organise donc le 8 avril 2023 un événement, et donc il est en train de préparer tout ça, il nous en reparlera d'ici là. Voilà, on revient avec les Jesus Whiskey qui sont nos invités de cette émission numéro 529. Voilà. Ça en fait un paquet d'émissions quand même, 529 émissions qu'on a fait depuis bientôt 13 ans dans l'émission Mavrica. On reçoit chaque semaine des artistes, et ce soir donc on est là pour découvrir tout l'univers des Jesus Whiskey. Donc on avait parlé déjà de l'histoire, on était en train de parler des projets, on a parlé aussi de comment vous faisiez pour faire vos morceaux, hein. Donc d'abord la musique, en plus vous interprétez les morceaux en anglais, donc il faut que ça sonne. Donc l'anglais c'est la langue qui sonne le mieux pour le blues, pour le rock and roll, pour le folk, etc. Mais est-ce qu'un jour vous serez capable de faire un morceau en français, par exemple? Complètement. On est capable de. On y a déjà pensé. Hein, on a au départ, on a repris une chanson de Joe Dassin. Joe Dassin. Ouais. On en était contents. C'était Salut les amoureux de Joe Dassin. Ouais. On aimait bien la faire, cette chanson. Ouais. Non, mais on est tout à fait capable. On n'est pas fermé. On n'est pas du tout fermé. Pour l'instant, on a gardé l'anglais comme de conduite. Mais non, on est capable de. Ouais. Alors, je ne sais pas si on va écrire en français, mais après, on peut reprendre du français sans problème. Sans français, bien sûr. Très bien. Donc là, vous êtes en train de travailler pour justement avoir plusieurs morceaux pour peut-être enregistrer un album. Ah bah oui. Vous avez commencé déjà à voir, non, les dans les studios et les gens. Non, pour l'instant, non, on attend encore. Non. Non, mais après, on en connaît quelques-uns. Ouais. Voilà, on a quelques pistes, quoi. Voilà, donc là pour l'instant, ça c'est encore un projet, oui, mais pour l'instant c'est la composition, et puis surtout essayer d'avoir le plus de concerts possible. Et on va rappeler à ce propos que vous serez au Caisson le 10 décembre avec d'autres artistes, et on va chercher justement, parce que tout à l'heure on avait laissé ça en suspens, mais l'émission n'est pas terminée, on est ensemble jusqu'à 22h, et puis on va vous tenir au courant de tout ce qui se passe donc au Caisson le 10 décembre avec le groupe Jesus Whiskey. Les deux autres groupes là, c'est Ah, c'est bon, tu les as. Ah oh, bah impeccable, voilà. Alors, je sais pas si je le prononce bien, hein. C'est Bobbing Box. Ouais. Et Min Circle qui était déjà venu ici aussi dans les studios, un groupe de Blois, hein, il me semble. Min Circle, ouais, on avait passé un bon moment, et franchement, c'est bien ce qu'ils font aussi. Hein. Donc voilà, c'est bien d'en parler. On écoute encore un petit peu de musique. Ouais, allons-y. Alors, il y a quelques temps, j'ai reçu un groupe. Voilà, moi, je trouve que ça se rapproche un peu de ce que vous faites. Vous allez me dire ce que vous en pensez. C'est un groupe de Grenoble qui s'appelle Sugar Cane. D'accord, ok. Ouais, c'est parti. Ouais, Sugar Cane, parce que j'avais peur de dire à l'envers, parce que des fois, je dis Cane Sugar, je sais pas pourquoi. Donc, et on va écouter un morceau. C'est du blues, hein. C'est un morceau qui s'appelle Hobo Blues. Super. Mama, listen to me. Voilà, c'était le groupe Sugar Cane avec Hobo Blues. Alors, dans l'émission Mavrika, on reçoit régulièrement des artistes et le groupe Sugar Cane était passé il y a quelques temps. C'est un groupe de Grenoble. Ils reviendront dans la région pour faire des concerts. Donc, je vous encourage à aller au concert, à aller voir les artistes qui viennent même d'un peu plus loin. Hein. Donc, ça nous fait toujours plaisir. Sachant aussi que sur Radio Arc-en-Ciel, on a déjà reçu des artistes un petit peu de partout, hein, de la région premièrement, et aussi de France, et même d'ailleurs on a eu aussi des groupes qui étaient venus de Belgique, et on parlait tout à l'heure, on a eu aussi Joshua qui était venu de la Nouvelle-Orléans, il était venu ici pour interpréter des morceaux, Joshua Cook. On avait passé une superbe émission avec lui, et avec son petit accent anglais, quoi, américain plutôt, et il nous racontait un petit peu l'histoire du blues, et puis il nous jouait des morceaux. Voilà, des très bons moments dans l'émission Mavrika. Alors ce soir, il y a ici trois musiciens qui vont commencer à interpréter des morceaux en direct live, parce que on a déjà passé la moitié de l'émission, hein. C'est vrai que le temps passe très très vite, et puis donc il y aura quelques lives que vous allez interpréter en direct. Alors on va essayer de mettre des micros, alors un pour la contrebasse, un pour la guitare, un pour la voix. La guitare, il y a un seul micro sur la voix, mais, ouais, mais un deuxième sur la guitare, s'il te plaît. Voilà, voilà, on va y arriver. Ouais, c'est voilà, c'est pour essayer de pouvoir mieux doser. Donc on va monter aussi pour la contrebasse. Et voilà, on fait ça en live, on n'a même pas fait de répète, rien du tout. Mais non, je pense que une répète, ça va venir tout de suite. Hein, on va se faire plaisir. On va se faire plaisir. On va essayer de vous faire plaisir en même temps. Bah oui, je pense. Vous allez interpréter plusieurs morceaux. Ouais, bon, alors on va commencer par un petit morceau. Ben, on va reprendre Personnel Jesus, on en parlait tout à l'heure. Le fameux morceau de Depeche Mode. Hein. Voilà, donc, on va se faire ça, puis après on verra en fonction de. Hein. Comme il veut. Petit problème, ça y est, c'est parti. Je vais t'enlever mon casque là, parce que je sais pas si le. Comme vous voulez. Donc au début, je vais essayer de doser un peu les instruments, ouais, et après ça, une fois que ça sera calé, ça sera très bien. Yeah. direct live dans les studios de Radio Arc-en-Ciel. J'ai juste le temps de changer la guitare. Voilà. Ah ouais, bah ça ça arrive, hein, c'est le live, voilà. Très bien, en tout cas, premier morceau, super interprétation en direct live dans les studios de Radio Arc-en-Ciel. Ça va, le son, vous l'avez, vous non, vous Ça va. Bon, parce que j'essaie de m'appliquer au mieux, mais comme dans une pièce où vous êtes tous ensemble, des fois, il y a aussi, j'ai beau baisser les potentiomètres d'un, c'est capturé par l'autre micro, donc bon, on essaie de trouver le meilleur compromis possible. En tout cas, c'est pour souligner qu'on est en direct et en live, donc il n'y a pas d'artifice, il n'y a pas d'effet, il n'y a pas de vocodeur, il n'y a rien du tout. Hein, c'est vraiment des artistes qui sont en direct. Il y a juste quatre micros, une pour la voix, une pour l'harmonica, une pour la guitare, et une pour la contrebasse. Voilà. La musique bio. La musique bio, voilà. on est un peu comme les agriculteurs, là. Quand on se compare, on fait des bons produits, voilà, dans l'émission Maurica. Même si c'est pas la quantité qui compte, hein, c'est la qualité. Voilà. Voilà, donc, voilà, c'est en direct live. Hein. Alors, on va faire un petit morceau. On va faire un petit morceau. Alors, c'est le refrain et une fois par Bob Dylan. C'est un morceau qui est inconnu. direct dans les studios de Radio Arc-en-Ciel, le groupe Jesus Whiskey. On passe un très bon moment, en tout cas, deux morceaux enchaînés. Alors, le premier, vous allez me redonner les noms. Donc, le premier, c'était quoi déjà ? Alors, Personal Jesus. Personal Jesus, voilà, je cherchais le nom. Et le deuxième, donc, une reprise de Bob Dylan. Alors, c'est une chanson, ouais, elle est méconnue. Hein. C'est Bob Dylan qui a écrit le refrain. Elle d'accord. Elle a été reprise par un groupe de country médecine show, il me semble, quelque chose dans le genre. Mais c'est un morceau qui est connu dans le monde de la country, Wagon Wheel. Mais à la base, c'est Bob Dylan, ouais, tout à fait. Ouais. D'accord. Bah, mélodie super. Et refrain de Bob Dylan. Ouais. En tout cas, très belle chanson interprétée en direct live. Bravo à vous, en tout cas. Alors, restez avec nous parce qu'il y en aura d'autres après. Hein. Donc, là, on va revenir en configuration. Okay, vous pouvez poser les instruments. Vous pouvez revenir en configuration parce qu'on va continuer à découvrir justement tout l'univers du groupe Jesus Whiskey. Donc, ce sont nos invités aujourd'hui. On sait que le groupe est assez récent. Il y a à peu près un an qu'il existe et ils ont déjà une vingtaine de morceaux qu'ils peuvent interpréter, donc un set qui peut durer plus d'une heure, hein, facilement. Presque joué 2 heures. Après vous, comment ça se passe, les morceaux que vous interprétez, vous pouvez les prolonger un petit peu ou... Ouais, on triche un peu, on peut les faire durer, un petit peu plus. Enfin, Dominique, en plus, qui est un excellent harmoniciste, qui est capable de faire un show extraordinaire. Il part dans des solos d'harmonica, voilà, donc il met le feu, donc ça c'est top. Et non, après on peut tricher, puis en fonction de l'ambiance c'est tout. Hein. C'est le public qui m'envoie l'énergie aussi. Hein. Ouais, voilà. Oui, voilà. Bah, voilà. Qu'ils en veulent, on sait. Ouais. Et puis en condition de live, c'est vrai que des fois, ouais, on improvise un peu. Très bien. Donc, quand c'est comme ça, bon, la contrebasse continue, la guitare aussi, hop. Et puis là, Dominique, lui, il s'amuse, voilà. Il peut prolonger. Il nous fait des solos de 3 minutes et demie. Voilà, c'est ça. Très bien. Donc ça, c'est pour ça, il faut aller au concert, il faut aller vous voir très prochainement. Donc ça sera au Caisson, à Talcy, le 10 décembre. Et il y aura donc deux autres groupes, Bug in Box et Min Circle. Donc voilà, trois bons groupes. Hein. J'en connais que deux, mais bon, c'est justement ce qui est bien, c'est qu'on va à des concerts comme ça, il y a des groupes qu'on va encourager et puis vraiment applaudir et on en découvre d'autres et puis ainsi de suite comme ça on la culture s'agrandit et puis on connaît de plus en plus de groupes et c'est ça qui est enrichissant aussi hein. des fois on va voir des groupes et puis finalement on n'aurait peut-être pas été voir l'autre et puis finalement on découvre l'autre et puis on aime bien et puis après on retourne les voir etc. Donc c'est ce qui est bien aussi de pouvoir découvrir des artistes différents. Donc, on va continuer avec les projets. Donc, vous êtes en train de composer des morceaux. Il y aura des enregistrements qui seront faits par la suite. Est-ce que vous avez envie de faire des clips vidéo, par exemple ? Après, c'est pas notre priorité. C'est vrai que c'est la mode, hein. C'est la mode, ouais. Qu'est-ce que t'en penses ? C'est pas encore notre priorité le clip. Pourquoi pas ? Oui, après, ça va peut-être nous traverser l'esprit après. Il nous faut des wagons, il nous faut des choses comme ça. Ouais, dans un champ, il y a du bétail. Pourquoi pas ? Le côté country, quoi. Le côté country, évidemment, la country. Ok, donc pour l'instant c'est pas quelque chose dans les médias, mais peut-être qu'une fois qu'il y aura l'album, vous aurez peut-être envie de mettre en valeur plus un ou deux titres, et puis à ce moment-là, on peut faire un clip vidéo. C'est sûr, tout est bon à prendre. On dira pas non. Le travail peut faire dans l'autre sens aussi, c'est-à-dire que notre musique peut inspirer aussi des gens qui ont envie de faire des images et donc localement. Hein, donc là aussi, tout est ouvert. Hein. Oui, c'est vrai qu'on voit ce côté-là, les musiciens qui sont demandeurs, mais ça peut être aussi l'inverse, des gens qui font des images et qui ont des images et qui ont envie de mettre un peu plus de dynamique en choisissant une musique, et puis ils peuvent très bien choisir votre musique justement faire passer leurs images, voilà. On a besoin des images et de la musique, hein, c'est des choses qui s'associent très bien. Voilà, donc peut-être dans le futur faire des clips vidéo. Ça, c'est bon. Pourquoi pas. D'autres projets que vous auriez encore Ah bah la Log Studio quand même. C'est ce qu'on en parlait. C'est le cas que franchement. Non, ouais, c'est vrai. C'est pour... Bon, vraiment, là, c'est de mettre en. C'est de construire ces compos, et puis, forcément, c'est quelque chose qui nous tient à cœur, et puis après, ouais, partir faire un studio. Ça, c'est vraiment la priorité. Vraiment, ouais, c'est vrai. Avant tout, quoi. Et puis, bah, construire, puis construire vraiment un set, vraiment le set qu'on veut, ouais. Et puis bah, faire un maximum de concerts, quoi. Vraiment, c'est vraiment le truc qu'on cherche. Le public voyage avec nous, en fait. Nous, enfin, ces derniers temps, là, enfin, depuis qu'on a commencé, on a vraiment, vraiment pris du plaisir, sur le concert, quoi. Enfin, vraiment, ça a été, à chaque fois, ça a été top, hein. Franchement, on n'a jamais regretté, et puis, Voilà. Et en plus, moi, j'ai eu des retours, hein, et à chaque fois que, dernièrement, j'avais dit Jesus Whiskey, les gens me disaient ouais, c'est un groupe, ouais, c'est bien. Apparemment, les gens qui vous ont déjà vu ont apprécié justement votre style musical. Hein, voilà. Très bien. Donc, on a des bons retours, et puis on vous souhaite encore de continuer à faire de la bonne musique, et puis surtout, on attend les compositions, et puis l'album. Hein, donc, dans les prochains mois, prochaines années, on va voir. On va dire les prochains mois. Très bien. voilà. Quelles sont les deux couleurs qui illustreraient le mieux votre univers? Ah, ça, c'est une très bonne question. Je vais essayer de lui dire qu'il répond dans mon rire. Il y a le côté country quand même, donc en termes de couleurs musicales. Ouais, donc, mais je parlais justement de couleurs, les vraies couleurs. J'y vais, donc on va être dans le jaune blé alors. Ah ouais, ouais. Ah, dans le jaune d'or. Ça, ouais. Pourquoi pas. Et puis le vert, casquette John Deere. Ah ouais, bah oui, sponsorisé par une marque de tracteur, c'est quand même pas mal. C'est ça. Ouais, c'est vrai que c'est une bonne question. C'est pas mal, Maurice. Ah, beaucoup. Donc on garde ces deux couleurs là. Voilà, jaune et vert. Donc c'est peut-être justement une couleur qu'on retrouvera dans la pochette de votre prochain album. On va voir les designers qui là sur notre affiche, parce qu'on a quand même une affiche qui est officielle, on retrouve les couleurs. Enfin, on retrouve pas de jaune, on ne retrouve pas de vert. Mais c'est pas grave. Du bleu, du marron. Et d'ailleurs cette affiche, enfin j'en profite là parce qu'on a une affiche personnalisée par. Par une artiste qui s'appelle Claire Fusaro, qui a un studio qui s'appelle Studio 40, qui nous a fait cette affiche, et qui a un site d'ailleurs, et puis on est très content de cette affiche. Alors, il nous faut rajouter ce contrebassiste, après. Ouais, parce que justement, il n'y a que deux membres, et il manque le troisième, quoi. J'ai pas d'ego. C'est ça. on a travaillé pour rajouter notre contrebassiste, et puis. Donc non, on est super contents et super fiers de notre affiche. Très belle affiche, très originale. Donc Studio 40, c'est une artiste peintre super quoi, qui nous a fait. J'aime bien moi ce côté-là. Voilà, on retrouve un peu ce style-là. On super fiers de son travail. Donc, au top quoi. Ouais, c'est ce qu'on disait. La musique, tout le côté artistique, hein, c'est-à-dire les images, les tableaux, la peinture, tout ça, ça se marie très bien. Donc, c'est ça, ouais. Et puis ouais, c'est vrai que, ça nous colle bien. Ça nous colle vraiment bien. On est vraiment contents. Ouais. Joli cadeau. Ouais. Donc peut-être la pochette de notre futur album. Avec plaisir. Voilà. Donc, vous avez déjà des idées pour la pochette. C'est déjà une bonne chose. Très bien. On écoute un petit peu de musique. Tout à l'heure, on a parlé des Stingers. Et moi, j'ai envie de vous faire écouter un autre groupe. Mais bon, tu vas voir tout de suite. C'est les Uncle Biker. Vous les connaissez, non? Oui. Parce que c'est le même chanteur. Hein. C'est Jack F. Et d'ailleurs, il y a un morceau qu'ils avaient sorti à l'époque des Stingers qui est repris aujourd'hui par les Uncle Biker. Forcément, c'est la même personne qui l'avait fait. Et ce que je propose d'écouter, c'est un morceau qui s'appelle Never Come Back. Les Uncle Biker qui étaient ici il y a quelques mois déjà. Le temps passe très vite. Et puis, ils avaient fait un petit concert sur Orléans. C'était au Dropkick. Et donc, si vous avez l'occasion de les voir sur scène, c'est toujours un bonheur de voir Jack et ses nouveaux complices. Voilà. On écoute tout de suite Never Come Back. Just run a little later for my kin. The clergyman said, si j'essaie, que ce n'est pas pour les jours de fête. Je ne fais pas de pirouette, je ne suis pas une petite lunette. C'est vrai, je ne suis pas parfaite, mes rendez-vous les inquiètent. Parfois je suis trop fatiguée pour leur chanter ma chansonnette. Alors je vous écris tout ça. Et arrêtez tous vos blabla. L'émission Mavrika, donc c'est l'émission numéro 529 et nous recevons ce soir les Jesus Whiskey. Ils ont interprété deux morceaux en direct live tout à l'heure, il y en aura encore d'autres après. Et puis oh, là on a fait une petite pause musicale justement pour écouter d'autres artistes. On a écouté par exemple les Uncle Bikers avec Never Come Back, Anaïs from Paris avec Excès Nocturne, Syndrome 81 avec un morceau que je me souviens plus. Vivre et mourir, voilà. Et à l'instant, donc encore une artiste, je regarde le nom tout de suite. Isa Mebsoun avec le morceau Taxi. Voilà, c'est j'avais pas tout noté, j'avais pas eu le temps de tout noter, donc je vous l'ai annoncé. Alors on va continuer justement, on va retourner dans les studios de Radio Arc-en-Ciel avec nos invités, parce qu'on va continuer à discuter, à découvrir tout l'univers des Jesus Whiskey. Et puis il y aura encore du live, donc restez avec nous, on est ensemble jusqu'à 22h. Voilà, le temps passe très vite, parce qu'il est déjà 21h et quart, hein, déjà le temps passe très très vite. On a écouté donc deux morceaux en live. Il y en a encore deux autres qui vont venir après. Hein. Voilà, vous êtes à la radio. Est-ce que vous avez envie de faire passer un petit message auprès des auditeurs? Voilà, allez. On n'avait rien préparé. Allez au concert. Venez nous voir, vous applaudir. Non, non, bah ouais, faut venir nous voir. Évidemment, évidemment, faut venir nous voir. Mais, sur mesure, s'il faut. Ouais, mais sur mesure. Non, mais. Non, avec plaisir, c'est pas déjà, mais c'est ça. C'est. Ouais, Dominique a formé l'île. Ouais. On va faire de la musique, là, Il est temps. Non, mais oui, bah, dire aux gens, allez au concert, sortez, et puis voilà, profitez, quoi. Ouais, c'est ça, ouais. Voilà, j'ai essayé de trouver le petit bruit là qui sortait tout à l'heure. C'est bon, je pense que j'ai trouvé. Là. Voilà, donc effectivement, le son était un petit peu aigu. Et donc, bah, justement, le message qu'on peut passer assez régulièrement dans l'émission et que Christophe l'a passé tout à l'heure, c'est aller au concert. Aller ça, au concert. C'est important. Non, mais il l'a très bien dit. Hein, c'est ça, c'est super important. Et puis, Allez applaudir les... Faites de la musique aussi, les gens. Bah oui, il faut faire de la musique aussi. Il faut débuter à tout ça. C'est vrai. C'est vrai. Donc, par exemple, quand vous êtes à un de vos concerts et quand le concert se termine, est-ce que les gens viennent des fois discuter un petit peu avec vous? Oui, justement. Enfin, c'est ça qui est bien aussi. C'est l'échange. L'échange, le partage. Et puis, c'est aussi agréable d'avoir des bons retours. Des bons retours. On est preneur, hein, forcément. Hein. Pour l'instant, on n'a pas eu de mauvais. Hein. Ça va peut-être venir. Hein. Enfin, après, voilà, on est bon joueur. Il faut être bon joueur jusqu'au bout aussi. Mais, c'est une critique et que c'est constructif en disant voilà, il y a ça, un petit détail, un petit truc que vous pourriez. Ouais, ça peut toujours être bien après. On ne lui parle plus et puis il ne revient plus. Sinon, on est cool. Non, mais c'est vrai que c'est super agréable de rencontrer les gens. Mais c'est aussi ça la musique, c'est aussi ça les concerts, c'est qu'on rencontre plein de gens sympas, enfin dans un milieu festif, un milieu de passionnés aussi. Enfin, c'est ça qui est super bien, quoi. Enfin, dans les loges le soir, c'est sympa, hein, franchement. Avec Full System, là, vraiment, des garçons adorables, quoi. Ouais, non, mais voilà, en tant que, enfin voilà, on rencontre aussi bien des gens qui viennent pour voir la musique, puis aussi on rencontre des artistes, on rencontre, voilà. Enfin, c'est un milieu qui est super, enfin, la musique, enfin, il n'y a rien à dire, quoi. C'est un milieu de gens très cool, passionnés, et puis. Voilà, des belles rencontres, d'ailleurs. Et ben c'est aussi pour ça qu'on fait de la musique. Hein. Enfin, voilà, c'est pour tout cet univers. Hein. Vous allez vous-même régulièrement à des concerts, non? Ouais, bah alors enfin, ça fait un moment que je dis oui, mais après ça fait un moment que j'en ai pas vu un. Mais... Tu étais au caisson là. Si. Ouais, bah, enfin on était au caisson. Enfin c'est vrai, on a vu enfin super groupe les tribus ZZ Top. Enfin j'ai dû voir deux fois parce qu'ils sont passés aussi au Festival des Arbres à Saint-Dion aussi. Voilà. Enfin super quoi. Et super groupe là. Enfin vraiment une grosse surprise, une grosse claque quoi. Enfin j'ai l'impression de voir les vrais quoi. C'est ce que tout le monde c'est impressionnant quoi. Enfin vraiment c'est il paraît qu'ils ont imité jusqu'à la voiture c'est la même. Ah ouais, mais c'est impressionnant parce que moi j'ai vu ZZ Top deux fois enfin les vrais et enfin j'ai pas vu la différence quoi à part peut-être la grandeur de la scène, mais sinon après c'est exactement les mêmes. Non enfin vraiment un travail remarquable quoi. Enfin c'est du grandiose quoi. Donc ouais, c'est le dernier concert. Ouais. Puis, après, on a vu tout un tas, mais après, c'est pas un moment où j'y suis pas allé. Quoi. Enfin, remédier à ça d'ailleurs. Très bien, parce que moi une chose que j'aime bien aussi, c'est justement qu'on organise des concerts comme ça où il y a plusieurs groupes, c'est de voir par exemple les membres d'un groupe qui s'intéressent à ce que les autres font et inversement. Donc à un moment c'est eux qui sont sur scène, après ils sont dans le public et ils encouragent les autres. Je trouve que ça c'est un bon moment de partage, quoi. Parce que après il y a aussi certains musiciens on aime moins, hein. C'est quand les gens ils montent sur scène, ils jouent et puis après ils se cassent. Bon, voilà. Mais il y en a qui sont comme ça, hein. Oui, ça il faut le savoir aussi, ça existe comme ça. Mais nous, on est bien dans l'esprit de l'émission Mavrika et, ouais. Et je pense que c'est le vôtre aussi, hein. C'est partager les bons moments. Donc, à un moment, c'est certains qui sont sur scène, on prend le plaisir à écouter ce qu'ils font. Et puis, quand c'est notre tour, ben voilà, votre tour. Parce que moi, je monte jamais sur scène, hein. Moi, je suis pas musicien. Il faut essayer, hein. Si, je monte sur scène pour présenter justement les différents artistes. Et donc, on va rappeler à nouveau que le prochain Mavrika Live aura lieu le 10 juin à l'Espace Pereire, hein, la Chapelle Saint-Mémin. La salle est déjà réservée, la sono aussi, et donc on est en train de voir pour les groupes, mais théoriquement ça devrait être les mêmes, mais bon, on attend encore quelques réponses. Voilà. Très bien, donc le message qu'on peut dire, c'est aller au concert, aller vivre des bons moments avec les artistes, et puis rencontrer aussi des gens passionnés, hein, parce que forcément, quand on va au concert, on est avec d'autres personnes qui sont aussi passionnées que nous, donc forcément, ça crée des liens aussi. Et puis quand on va à un concert, on voit telle personne, on y retourne à un autre, on voit encore telle personne, au bout d'un moment, on finit par se connaître. Ouais, tout et puis ça permet d'échanger, surtout aujourd'hui, dans le monde d'Internet, où on échange qu'en virtuel, enfin là, on a un échange physique, quoi. Enfin, on rencontre du monde, quoi. C'est aussi ça qui est important, je pense. Voilà, c'est pour ça qu'il faut vraiment sortir de... des écrans, des internets, tout ça. Ouais. Et puis allez, il faut vraiment, c'est ouais. Hyper important, enfin, socialement parlant. Enfin, c'est une façon de penser, mais c'est ça. Voilà. C'est... On parle de génération et tout ça, mais pas forcément, parce qu'il y a des petits jeunes qui sortent, et puis il y a des vieux qui restent devant Internet. Hein. Bah, faut le savoir, c'est dans l'esprit de chacun. Donc après, Internet, c'est bien pour chercher des choses, pour lier des contacts. Mais après, le but, c'est quand même de se retrouver. Hein. Donc autant se retrouver et puis. Partager quelque chose ensemble et en écoutant de la bonne musique, voilà, c'est On a la chance aussi à Orléans d'avoir Polysonic, hein, qui a quand même un bel outil pour travailler. Hein. Donc, moi, j'y ai travaillé pendant quelques années avec d'autres groupes. C'est quand même un bel endroit aussi pour rencontrer d'autres musiciens. Hein. Mm-hmm. Donc moi j'avais été voir là-bas les Full System justement en répétition et puis ils ont la possibilité de répéter, il y a des belles salles qui sont équipées. Studios, hein. il y a aussi la possibilité d'enregistrer, il y a pas mal de gens qui ont enregistré là-bas aussi. Il y a Gwen qui s'en occupe de ça, des Twister Covers que vous connaissez sûrement aussi. Voilà, on connaît du monde. Et tout à l'heure en antenne, on parlait aussi d'autres artistes. On a parlé tout à l'heure de Shaman, de Joker, notre ami Dominique Dussault, quelqu'un qu'on apprécie beaucoup, qui est déjà venu à plusieurs reprises ici dans les studios de Radio Arc-en-Ciel et qui a aussi un studio dans lequel il enregistre des artistes. Absolument. Donc, moi, j'ai la chance de travailler régulièrement avec Dominique. Hein, quand il a besoin d'un contrebassiste, il a la gentillesse de m'appeler. Donc, et puis, j'ai été le bassiste de Joker pendant quelques années aussi. Voilà, comme quoi le monde est petit. Hein. C'est vrai que moi, j'ai reçu Joker, mais à l'époque, il était venu tout seul, il me semble, hein, pour Joker. Mmh. Bon, ça fait déjà pas mal d'années. Hein. Donc, on a reçu pas mal d'artistes depuis dans l'émission Mavrika. Très bien, donc c'est bien de parler de tous ces gens-là. Et tout à l'heure, on parlait aussi d'Elsia. Justement, Elsia qui va venir très prochainement dans les studios de Radio Arc-en-Ciel. Elle sera avec nous le 27 janvier. Et tu me disais, Amaury, que tu la connaissais aussi. Ah ben, j'ai un peu joué aussi pour quelques projets de Hank d'Elsia, donc deux morceaux avec mon trio de jazz qui s'appelle Lohengrin. D'accord, très bien. Comme ça, en plus, tu nous parles du trio de jazz. Voilà, on a plein de choses à découvrir grâce à nos invités ce soir. Voilà, donc tout à l'heure, on s'écoutera un petit morceau d'Elsia, justement, parce qu'elle devrait venir le 27 janvier, normalement, dans les studios de Radio Arc-en-Ciel, et elle vient de sortir un morceau dans lequel tu ne joues pas, mais bon, on le passera quand même. Voilà. Très bien. Très bien. Vous voulez interpréter les autres morceaux oui, là ah oui, on y voilà. va là. Non, bon sens, parce que là vous avez fait un premier set. On va essayer de pas casser de cordes. Sinon, je crois que je me mets à l'harmonica. Ah, bah, si tu veux. Essaye la contrebasse, on passe à mon professeur. On va essayer de rapprocher les micros parce que le son il était pas. Hop, on va essayer ça. On va essayer de, ouais, de faire pour le mieux, hein. Ça allait, mais bon. Après, si on peut faire un très bon son, ça sera encore mieux. Est-ce que c'est pas mal là? Est-ce qu'on est bien là, si je fais comme ça? Ouais, très bien. Donc là, je regardais quel micro parce qu'il y en a deux, un pour la voix, un pour le. Voilà, je pense que c'est pas mal. Voilà, c'est bon pour vous? Well, you wake up in the morning. You are the church bell ring. And they mount you to the table. And it's the same old thing. And I fall upon the table. And I walk up in a pain. Rain boy, you gotta travel with a man. At the midnight station, shout loud me. At the midnight station. Thank you. Bravo. En direct, Dominique, Adrien et Amaury qui nous interprètent donc des morceaux en direct live dans les studios de Radio Arc-en-Ciel. C'est le groupe Jesus Whiskey. Super moment dans l'émission de Mavrika. C'est des moments comme ça qu'on aime bien justement partager. Et c'est pour ça qu'on encourage les gens à aller au concert. Alors ce soir, c'est un petit concert intime. Hein. Moi, j'ai la chance d'avoir les musiciens juste devant moi. Mais vous pouvez nous écouter grâce à 96.2 MHz sur la bande FM sur la région orléanaise. Et dans le monde entier, c'est à travers www.radio-arc-en-ciel.fr. Voilà, donc le message est passé. Et puis, je voulais aussi rajouter quelque chose. Si vous n'avez pas pu écouter toute l'émission, ou si l'émission vous a plu, vous avez envie de la réécouter, ou si vous ne l'avez pas du tout écoutée et que vous avez envie de l'écouter un peu plus tard parce qu'il y avait un match de foot ou je ne sais pas quel truc vous allez trouver comme excuse pour ne pas écouter l'émission Mavrika. En tout cas, ben, on va remercier notre ami Florent. Voilà, il nous a fait un petit coucou tout à l'heure. Justement, c'est lui qui nous enregistre les podcasts. Toutes les émissions sont enregistrées et vous pouvez donc nous les réécouter juste après, dès que j'aurai partagé le lien. Dès qu'il m'aura partagé le lien, moi je le repartagerai à nouveau et comme ça vous pouvez écouter l'émission et même la télécharger et la garder si vous avez envie de la collectionner. Voilà, très bien, parce que ce soir en plus il y a du live, donc ça c'est important. Quand il y a du live, les morceaux qui sont enregistrés, ben, ils restent pour toujours. Voilà. Voilà, tout va bien pour vous? Impeccable. Vous avez envie de jouer un troisième morceau à la suite? Là on est en place, donc là je pense que le résultat était meilleur que la première fois là, hein. Voilà. Voilà, on essaie d'améliorer la position des micros et tout ça, et forcément on a une pièce qui résonne un petit peu, donc on essaie de faire pour le mieux, mais bon, ce qui compte c'est le fait qu'il soit en direct live et qu'il joue vraiment sans filet, sans artifice. Il n'y a pas de vocodeur, il n'y a rien du tout, on est vraiment là avec les vrais musiciens devant nous. Bravo. Superbe moment encore dans l'émission Mavrika, grâce aux Jesus Whiskey qui sont nos invités ce soir. Ils ont fait 5 morceaux en live, donc 3 à la suite à l'instant. Donc là on va revenir en position normale hein, pour continuer à discuter encore un petit peu. Donc après vous me donnerez les noms de tous les morceaux que vous avez interprétés en live, parce que bon, déjà on peut les annoncer à la radio et on les mettra aussi sur le programme de l'émission Mavrika, que vous pouvez retrouver tous les vendredis sur le Facebook de l'émission Mavrika. Donc vous pouvez consulter, justement, il y a beaucoup d'artistes qui se reconnaissent en disant « sympa d'avoir diffusé notre morceau et tout ça ». Donc ça fait toujours plaisir. Donc c'est pour ça, on est là pour faire la promotion des artistes de la région orléanaise. Et pas que, hein, si vous voulez venir des États-Unis ou de n'importe où, hein, vous pouvez venir ici. Bon, c'est vrai que c'est plus simple pour les gens qui habitent sur Orléans ou dans les villes à côté. Voilà. Justement, le groupe Jesus Whiskey, il est d'où exactement? C'est Orléans. Alors, Val d'Ardoux. On a Val d'Ardoux, ça veut dire Maropré. Cléry, Saint-André. Voilà. Et puis moi, depuis peu Orléanais. Mais, voilà. À la base, c'est Val d'Ardoux. D'accord. Très bien. Très joli. Très joli point d'œil. Très bien, donc c'est la région, donc vous avez fait quelques kilomètres. On a passé 3 heures ensemble, hein, bientôt. On est presque à la fin de l'émission, donc c'est pour ça qu'on a plein de choses encore à dire. Donc on va réannoncer à nouveau les concerts. Alors le 10 décembre, ça sera avec le groupe Jesus Whiskey. Il y aura Men's Circle et il y aura aussi Bugs in Box. Voilà. Ça sera le 10 au caisson, donc à Talcy, chez nos amis les Red Daff. Donc, si vous n'avez pas encore vu en concert le groupe Jesus Whiskey, même si vous les avez entendus ce soir, vous ne les avez pas vus. Donc, il faut aller les voir. Ça, c'est important aussi. Et on donne rendez-vous aux gens pour aller justement voir ce concert. Les autres concerts, au fur et à mesure, on pourra les savoir en allant sur le Facebook sur la page Facebook de Jesus Whiskey, hein, tout simplement, on tape et on trouve, hein, voilà. Et en plus, c'est une très belle illustration, donc qui devrait être complétée avec le troisième membre. C'est ça. Voilà. Qu'est-ce qu'on va dire aussi d'autre au niveau des concerts? C'est tout pour l'instant. Pour l'instant, ouais, oui. On finit l'année comme ça. On clôture l'année. Ouais. Puis, Moins qu'entre-temps, il y a des gens qui... Si vous avez envie de les faire jouer prochainement dans vos concerts, n'hésitez pas à me contacter. Et moi, je le transmettrai. Ou alors, vous les contactez directement. Ça sera encore le mieux. Et puis, comme ça, vous pourrez les faire jouer dans les prochains événements que vous allez organiser pour tous les organisateurs. Très bien. Tout à l'heure, on a parlé aussi... Delcia. Ouais. Donc voilà, elle a sorti un morceau qui s'appelle No Game. Absolument. Absolument. T'es au courant, hein, Maury? Je la suis sur son Facebook, de toute façon. Bah oui. Donc il y est. Très bien. Donc je propose qu'on écoute ce morceau-là. On fait comme ça. C'est parti. Voilà, ça commence doucement, hein. Toute splendeur a perdu sa fraîcheur. La violence des mots me colle à la peau. Spirale infernale, ce visage glacial, son emprise torturée m'a déglingué. No, no, no place. pas contre moi. Papillon consumé, alors abîmé, plus de lèvres closes. Bannir ta névrose, disperser la noirceur, renaître en couleur. C'était Elsia avec le nouveau morceau hein, qui s'appelle le No Game. Voilà, donc on est toujours avec les Jesus Whiskey dans les studios de Radio Arc-en-Ciel. On a passé un très bon moment ensemble. Hein. Je pense qu'on a tout dit, on n'a rien oublié de spécial. Donc oui. Là, c'est la première fois que vous venez dans les studios de Radio Arc-en-Ciel. Donc maintenant, vous êtes baptisé, vous aurez le diplôme. Et donc vous faites partie de la Mavericas Family. Donc vous revenez dès que de l'actualité. Hein. Donc on attend avec impatience l'album, le prochain album, donc le premier. Hein, puisque premier. C'est le numéro 1. Vous allez faire un album, un EP ou un album hein, ou un vrai album avec. C'est votre question. Je sais pas. Vous n'avez pas encore décidé ? Non, on n'a pas décidé. Bah, ça, c'est vrai, faire un truc simple. Ouais. C'est pas trop. En fonction des. On va voir. Donc, oui. Bon, on va être patient et puis on ne veut pas aller trop vite non plus. Et justement. Oui, on fait des signes comme ça. Donc voilà, donc l'album très prochainement, donc vous viendrez le présenter dès qu'il sera grand sorti. Plaisir. Avec grand plaisir. Voilà. Et puis je voulais aussi parler justement du son des blés parce que on avait passé un bon moment là-bas. Oui, hein. C'est vrai que c'était au mois de septembre, c'était la fin du mois de septembre. Il faisait un petit peu frais. Hein. C'était le début. Bon, maintenant on est un peu plus rodé parce que maintenant il fait encore plus frais. Mais bon, justement pour une fin d'été. Le festival Le Son des Blés, donc c'est un festival que je suis depuis pas mal de temps. C'est la première fois qu'ils le font comme ça à l'extérieur. Il y avait de bons artistes en plus. Oui. Il y avait Jekyll Wood, il y avait Les Oreilles qui saignent et il y avait comment ça s'appelle Dirty Charlie. Ouais. Dirty Charlie qu'on a reçu il y a quelques temps aussi dans les studios de Radio Arc-en-Ciel. Voilà, on parlait de groupe qui dure longtemps. C'est un groupe qui a 20 ans. Ah, 20 quelques années. Donc la semaine dernière, la Jarry aussi, 20 et quelques années aussi. Donc voilà, il y en a quand même qui durent longtemps. Donc on sait ce qu'on vous souhaite aussi. Et justement, cette semaine, j'ai reçu le nouveau morceau de Jekyll Wood. Ah ouais. Donc voilà, c'est vrai qu'il est patent sur scène. Ah ouais, super. Pour voir tout seul ce qu'il arrive à faire. Non, c'est impressionnant. Ça fait déjà extrêmement. C'est très très bien travaillé. Ça fait déjà des années que je le suis et qu'effectivement je l'avais découvert il y a 6 ou 7 ans, c'était à Balade en musique, festival de la Chapelle Saint-Mémin où il était venu, et j'avais été épaté parce que un gars tout seul sur scène. Ouais. Et justement, moi je trouve qu'en plus, une personne sur scène, c'est pas facile, une toute seule. Donc ouais. C'est pas évident de tenir le, de tenir la scène comme ça et de l'occuper vraiment. Et là, justement, il y a tout un travail qui a été fait avec les décors, les lumières et tout ça, ce qui fait qu'on s'ennuie pas du tout parce que franchement, il a beaucoup de talent. Il chante, il a une belle voix, il joue bien de la guitare. C'est un guitariste super, hors pair. Ça. Et en plus, il sait se servir des machines comme vraiment bien, quoi. Donc, franchement, c'est un bon truc. Faut aller le voir. Ouais. Alors, cette semaine, j'ai reçu le nouveau morceau. Alors, j'ai pas encore eu le temps de l'écouter, mais on va les écouter tous ensemble. On va le découvrir. Alors, ce morceau-là s'appelle The Doll. Voilà, je lisais parce que je ne l'ai pas encore entendu, donc, et on va écouter tout de suite Monsieur Jekyll Wood. on a découvert ce morceau ensemble. Alors, qu'est-ce que vous en pensez? Super. Bah, c'est du bon Jekyll Wood, hein, de toute façon, ça ne se donne pas. Super bien fait, en tout cas. Et le pire, c'est qu'on se dit, c'est un truc, voilà, un truc de studio. Non, non, il le fait en direct sur scène, hein. C'est hallucinant. Et en plus, comme il fait ses boucles, moi, j'ai déjà vu plusieurs fois ça en concert, les boucles ne sont jamais identiques. Ouais. Donc, et dessus, il arrive à broder ses trucs et tout ça. Mais voilà, c'est quand même un exploit de faire ça en direct live, comme ça, sur une scène. Donc, chapeau, en tout cas, à cet artiste. Voilà, on arrive à la fin de cette émission. Donc, on va dire les phrases magiques à la fin de chaque émission. Toi, tu t'en souviens, toi, Adam? Non. Donc, que le rock'n'roll soit avec vous. Que l'autre, c'est une vie sans musique serait une erreur. Je pense que vous êtes d'accord avec moi. Et puis la troisième, c'est en anglais, everything is gonna be alright, parce que nous, on espère que tout ira pour le mieux, même si on vient de passer un moment avec le Covid et tout ça. Là, ça repart. C'est pas encore revenu comme c'était avant. Hein. C'est vrai que c'est ce qu'on entend de plus en plus. Hein. Heureusement, les concerts ont repris tout ça, mais il faut aussi que le public vienne. Donc n'hésitez pas à sortir. On s'est un petit peu habitué à rester chez soi, bien au chaud. Ouais. Puis là, l'hiver en plus arrive, mais il faut faire l'effort de sortir. Et puis après, on regrette pas. On passe des bons moments à des concerts. Et puis donc, aller voir les concerts, ça c'est toujours très important. Voilà. Donc autre chose à rajouter pour vous? Bah déjà, bon, merci. Merci. On a pris beaucoup de plaisir à venir. Ouais. Première expérience pour moi. Ah. Donc, mon dôme, c'est un vieux baroudeur. C'est l'habitude des lieux. Donc. Bah, en tout cas, merci d'être venu. Franchement, on a passé un très bon moment ensemble. Je pense qu'on a fait le tour. En plus, on a fait vraiment découvrir aux auditeurs votre univers. Et j'espère qu'on leur a donné envie d'aller vous voir donc, prochainement. Il ne faut pas hésiter à venir. Surtout, avec grand plaisir. Non, il faut venir nous voir. Ça c'est important. Voilà, très bien. Donc on arrive à la fin de cette émission. Donc on va rappeler les prochains invités. Alors pour l'instant, la semaine prochaine, il y aura personne. S'il y a personne, c'est pas bien grave. Une fois de temps en temps, parce que ça me permet à moi de diffuser. Parce que bon, j'ai beaucoup d'artistes qui viennent toutes les semaines. Et quand les artistes sont là, c'est priorité aux artistes qui sont là. Donc forcément. Donc la semaine dernière, il y avait la Jarry. Il y avait un album à écouter. On a écouté tout l'album, sauf un morceau. Ils ont joué en live. Ce soir, c'était Jesus Whiskey. Donc pour l'instant, il y a pas d'album, mais ils ont joué en live. Et on a passé un super bon moment, et on n'a pas toujours le temps de passer les autres artistes. Là, aujourd'hui, on en a passé quelques-uns, hein, des artistes qu'on connaît, qu'on a en commun, des amis qu'on a en commun, et de temps en temps, quand j'ai pas d'invité, ben justement, je fais un truc bien comme il faut, avec tous les artistes qu'on a reçus dernièrement, ceux qu'on va recevoir, etc. Donc je fais un programme un peu plus musical, où je parle très peu, parce que c'est vrai qu'on c'est Fanfan, le batteur de Red Hat, qui m'a dit, ah bon, tu arrives à faire des émissions sans trop parler, parce que j'ai cette réputation là de parler beaucoup. Mais de temps en temps, effectivement, je parle très peu et je présente juste les titres, et comme ça nous permet d'écouter plein de bonnes musiques d'artistes que nous avons reçus dans l'émission Mavrika, ou que nous allons recevoir, ou qu'on aimerait recevoir, parce qu'il y en a aussi certains qu'on n'a pas encore eu la chance d'avoir. La preuve, justement, avec Jekyll Wood, qui devait venir une fois, il n'est pas venu, là, il est... On doit faire une interview, donc à la limite, on va essayer de caler une interview un jour où il est... j'aurais pas l'invité, donc par téléphone, ça peut très bien se faire, et donc, voilà, le faire participer aussi à cette émission Mavrika. Et puis donc le 6 janvier, avant ça j'en ai d'autres. Ah oui, le 9 décembre j'aurai ici pour la première fois le groupe Narcos. Vous les connaissez, les Narcos? Voilà, c'est un groupe du coin aussi. Donc moi j'ai découvert aussi il y a pas très longtemps. Ils m'ont envoyé 4 morceaux, on en a écouté un tout à l'heure en début d'émission, et donc on découvrira leur musique, parce qu'il y a d'autres morceaux qui doivent venir de mastering, tout ça. Donc ça va se faire au fur et à mesure. En tout cas pour l'émission, ils seront prêts. Donc le groupe Narcos le 9 décembre. Le 6 janvier, ça sera le retour d'Alex Lebaille. Alors Alex Lebaille, il était là la semaine dernière, parce que il connaît très bien le groupe La Jarry. Donc si vous regardez les photos de la semaine dernière, vous pourrez voir qu'il y a Alex et aussi Polo qui était venu nous rendre une petite visite. Donc on fait un peu les clowns sur certaines photos, et c'est pour le bonheur de tout le monde, puisque on a certaines photos qui plaisent beaucoup, hein. On a beaucoup de petits j'aime et ça nous fait plaisir. Le 20 janvier, on recevra les The Jig. Le 27 janvier, on recevra Elsia. voilà, on l'a écouté tout à l'heure. Le 3 février, donc là, je serai entouré de rockeuses. Donc, ça sera les brunettes qui seront ici dans les studios de Radio Arc-en-Ciel, que tu connais sûrement aussi. Oui. Voilà, moi, je les ai vues tout au début, et puis je les ai vues progresser. Et puis, franchement, là, franchement, ça envoie. Hein, c'est, et en plus, c'est le plaisir aussi de voir des femmes sur scène, parce que le rock'n'roll n'est pas réservé aux hommes. Hein, il y a aussi des femmes qui peuvent faire du rock'n'roll. Le 24 février, ça sera Anaïs from Paris, donc un groupe parisien qui viendra ici dans les studios Radio Arc-en-Ciel. On les a écoutés tout à l'heure. On a écouté un morceau qui s'appelait Excès Nocturne. J'ai eu un deuxième morceau que je vous diffuserai sûrement la semaine prochaine. Et donc, ils seront dans nos studios. Donc, il y aura peut-être des lives aussi. On en reparlera. Et le 3 mars, c'est un groupe que je ne connais pas encore. Voilà, c'est tout récent, je crois. Et ça s'appelle Ombrage. Donc, le 3 mars, le groupe Ombrage sera dans les studios de Radio Arc-en-Ciel. Voilà. Donc les rendez-vous sont pris pour les prochaines semaines. Et puis nous, ce qu'on va faire, on va rendre l'antenne, on va écouter un dernier morceau avant de se quitter. On va rendre l'antenne, on va faire les photos, et puis on va continuer à discuter encore un petit peu. Il y a l'after dans l'émission Mavriga. Il y a l'after. Voilà, on va se quitter avec un morceau d'un autre groupe qu'on a déjà annoncé tout à l'heure. Alors, je suis en train de chercher les noms parce que je note tout, mais du coup, je sais plus où j'ai noté. Parce qu'à la fin de l'émission, on commençait à avoir beaucoup de notes. Alors, c'est le groupe Dirty Charlie, justement. Et le morceau, c'est L'or et le sabre. Voilà, l'émission Mavrika se termine. Donc, c'était l'édition numéro 529. Et nous avons reçu les Jesus Whiskey. Merci. Donc merci à vous et merci. À très bientôt. On garde le contact de toute façon. Oui. Allez, merci. Ciao. Ciao. Le son est divin, la plupart l'ignore. Il me menace sur le terrain d'un maître sculpteur. Guerriers s'y retrouvent autour des flammes où l'on forge et aiguise les précieuses lames. À mon tour, j'ai appris à frapper le métal et imprimer mon rythme mal imprégné de mon âme. Peaufiner ma technique, faire fuser les syllabes. J'étais prêt à jaillir, mais il me manquait une arme. Terré dans mon trou, la plonge dans le tas. J'ai trimé, trait par trait, trouvé la trame. Terre à terre, théorise, télorise à la trappe. Il me manquait un truc, pas dans le trip, trouvant la traque. Je marcherai, entouré de combattants, se battre ou espirer. Si dans ma fauche, je tomberai la pierre entre les bacs. Le cœur sur la main gauche, le cascade dans la droite. Le médecin près de moi, il place ça dans ma paume. Mon cœur, car sans celui-là, mes actes seraient pauvres. Or la lame, le vocable et un squat de barjo. Nous sommes sept devant toi à représenter les nôtres. Notre clan passe son être à combattre l'insipide. Dont la masse doit-on reconnaître a appris à se réjouir. Le petit monde aime son sérail. Il déteste qu'on entende une poignée de samouraïs déferler sur ses bambines. C'est pas une chanson pour le bon garçon qui compte sur maman pour lui acheter un bonbon. C'est pas une chanson sur le divin, mais la maman qui fait de son fils un type bien. C'est pas une chanson sur la mère poule qui vous protège de tout ce qui sort du nid. Plutôt une chanson sur la loupe, si tu te caches, t'enfuis, elle te jette au cœur des ennuis. Maman que je chante ne cuisine pas des gâteaux, mais elle nourrit le carnivore au berceau. Je ne parle pas du type Meryl Streep frère. Ma mère ressemblerait plutôt à Sigourney Weaver. Si le fond elle vous corrige avec une poêle, elle n'est jamais maltraitée par un vandale. Son loup plus net auprès des enfants qu'elle protège. Si quelqu'un déraille sur qu'il tomberait dans un piège. Is on the list down.